L'orpheline de Moscou. Troisième partie. Mark Endan, wordpress.com d'après les archives du Carmel de Lisieux en ligne. Licence Creative Commons, partage à l'identique, usage non commercial. Troisième partie, chapitre 10. Les mains armées sont presque toujours généreuses, rien n'est plus ami de l'infortune que la gloire. Chateaubriand. La première idée qui s'offrit à Juliette en ouvrant les yeux le lendemain matin, fut celle de ce projet qui lui avait souri la veille, et qu'elle avait cru d'abord d'une exécution facile, mais son imagination, devenue plus calme par le repos de la nuit, lui présenta alors une foule de difficultés qu'elle n'avait pas aperçues, et qui la désenchantèrent de la plus grande partie de ses espérances. N'importe, se disait-elle, les obstacles ne sauraient m'arrêter, il s'agit de sauver mes bienfaiteurs, je dois tout tenter pour arriver à ce but. Dieu m'a donné hier le courage d'affronter la fureur des Cosaques, il daignera peut-être m'accorder encore son appui dans cette circonstance. En même temps elle ouvrit son secrétaire, et se mit à écrire ce qui suit. À Sa Majesté l'Empereur Alexandre. Sire. Une jeune moscovite, privée de ses parents et accablée sous le poids d'une immense infortune, a trouvé dans la famille du baron de Granville une noble hospitalité. Son bienfaiteur, colonel du T-Régiment de Dragons, vient de tomber au pouvoir de vos armes, il est prisonnier en Russie, et votre majesté peut, d'un seul mot, le rendre à son épouse mourante, à son enfant désolé. C'est ce mot que la pauvre moscovite implore, daignez le prononcer, sire, et Dieu vous bénira. Au château de Berre, le 11 janvier 1814, l'orpheline avait à peine achevé d'écrire cette supplique, que Marianne entra auprès d'elle d'un air préoccupé, qui lui fit craindre que la baronne ne fût plus mal. Rassurez-vous, lui dit la bonne veuve, la nuit a été, au contraire, assez paisible, mais je viens vous apprendre que notre brave André, qui est véritablement animé du plus grand zèle pour la sûreté du château, a rencontré un général russe, qui pourrait peut-être nous faire obtenir une sauvegarde, ce serait un grand bonheur dans les circonstances où nous nous trouvons. Ce général étranger est accompagné d'une nombreuse escorte, et les décorations qui brillent sur sa poitrine, annoncent que c'est un militaire distingué. Son air est très respectable, c'est un homme d'un certain âge, qui paraît avoir blanchi sous les drapeaux. Comme il s'exprime assez bien en français, et qu'il désirait quelques renseignements sur le pays, il s'adressa à André, qui ne fuyait pas devant lui comme les autres habitants, il lui fit diverses questions. Le jeune village. Ouais, répondit avec aisance, et eut ensuite l'heureuse hardiesse de lui raconter ce qui s'était passé hier ici, il lui parla du courage que vous avez montré au milieu du péril qui nous menaçait tous, et lui peignit enfin la situation de madame, la baronne en termes si touchants, qu'il parvint à lui inspirer de l'intérêt pour elle. Conduisez-moi chez cette dame, a dit le général, je ferai en sorte de la mettre à l'abri de nouvelles insultes. Il est en bas, continua Marianne, et demande madame de Granville, je lui ai répondu qu'elle était hors d'état de le recevoir, mais que sa jeune amie pourrait la remplacer, et je suis venu vous avertir. C'est la Providence qui nous l'envoie, s'écria Juliette en prenant vivement la lettre qu'elle venait d'écrire, allons vers lui, chère Marianne, et puisse le ciel me faire trouver dans cet homme l'appui que je cherchais. Au même instant elle descendit rapidement l'escalier accompagnée de la bonne veuve, et parut devant l'étranger, dont l'air noble et les cheveux blancs, lui inspirèrent tout d'abord de la confiance. Frappé à son tour de la grâce avec laquelle elle l'aborda, il la salua profondément, et lui dit en français, « Je suis heureux, mademoiselle, que vous ayez daigné recevoir ma visite, car j'avais à cœur de faire connaître aux personnes qui habitent cette maison tous les regrets que j'éprouve du trouble, qui ont apporté hier quelques-uns de nos soldats, ils ont enfreint en cela l'ordre exprès de l'Esmonsieur l'Empereur Alexandre, qui veut que les propriétés soient respectées, leur action criminelle sera punie, je vous le promets. » Monsieur le Général, répondit Juliette, ce n'est pas la punition de ces soldats que la baronne de Granville réclamerait si elle était en état de paraître devant vous, elle vous prierait, au contraire, de leur pardonner ce moment d'égarement, qui, d'ailleurs, n'a eu d'autre résultat que de nous causer quelques frayeurs. Serait-ce vous, mademoiselle, qui avez eu le courage de les rappeler à leur devoir, et ai-je le bonheur de parler à une compatriote? Oui, monsieur, reprit l'orpheline en se servant de la langue russe, et ma pensée se reporte bien souvent encore vers cette patrie, toujours chère, où les joies les plus pures entourèrent mon enfance. Oserais-je vous demander, mademoiselle, dans quelle partie de la Russie vous êtes née? J'ai vu le jour dans cette déplorable cité, dont la destruction voua tous ses habitants aux mêmes heures. Déjà alors je n'avais plus de père, mais une mère chérie me restait. Complètement ruinée par l'incendie, qui en quelques instants dévora tout ce que nous possédions, n'ayant plus d'abri où reposer nos têtes, nous quittâmes Moscou. Mon infortunée mère était française, elle crut me sauver des nouveaux désastres, qu'elle redoutait en m'emmenant dans son pays. Hélas, j'étais condamné à y venir seule, j'eus l'affreux malheur de la perdre au passage de la Bérézina. Ici Juliette ne fut pas maîtresse de retenir ses larmes. Le général russe, qui l'avait écoutée avec une grande attention, lui demanda d'un accent pénétré quel était le nom de son père, elle l'eut à peine articulé, qu'il s'écria, « Quoi, vous êtes la fille du savant Obinski, dont les vertus et les talents, est ainsi justement honorée à Moscou ?»« Mais ce titre seul, mademoiselle, vous donne un droit incontestable à la bienveillance de notre souverain, daignez me permettre de le faire valoir, et croyez que je m'estimerai véritablement heureux, si mes services peuvent vous être utiles. J'ai beaucoup connu votre digne père, et il m'honorait de quelque estime. Ah! Monsieur, répliquait vivement l'orpheline, cette offre m'est bien précieuse, non pour améliorer mon sort, c'est, je l'avoue, ce qui m'occupe le moins dans ce moment, mais pour obtenir une faveur que je priserai au-dessus de tout. Veuillez lire cet écrit que j'avais préparé pour Sa Majesté, sans savoir encore comment je le lui ferai parvenir, et jugez de quelle importance sera pour moi votre généreux appui, si vous daignez me l'accorder. » Présentant alors sa pétition au général, elle lui parla d'une manière si touchante de tout ce qu'elle devait au baron de Granville et à sa famille, que bientôt elle parvint à exciter au plus haut point son intérêt. « Je ne vous dissimule pas, lui dit-il, que l'objet de votre demande offre de grandes difficultés, ordinairement on ne rend les prisonniers que par échange, et cet échange n'est pas près d'avoir lieu pendant la guerre, cependant tout est possible à celui qui tient en main la puissance. Je vais rejoindre l'empereur, que je n'ai quitté que pour faire une reconnaissance dans ce pays, et je vous promets de lui parler en faveur du baron de Granville. Il est d'ailleurs un moyen plus efficace encore de servir cet officier, dans quelques heures. Sa Majesté passera une revue à une très petite distance de ce village, vous sentez-vous le courage, demanda en souriant le général, d'affronter encore la présence de ces Cosaques qui vous ont causé tant de terreur? Je vous assure que ce sera cette fois sans aucune sorte de danger, car je puis vous donner un sauf-conduit pour vous, et les personnes dont vous voudrez vous faire accompagner, et je laisserai ici deux hommes, qui auront ordre de vous conduire, de cette manière. Vous n'aurez rien à craindre. À cette proposition, Juliette avait pâli, l'idée de ces hommes en armes, de tout cet appareil de guerre, dont il lui faudrait s'approcher, et plus encore peut-être celle de paraître, elle, pauvre jeune fille, devant l'un des puissants de la terre, la fit d'abord reculer devant un tel projet, mais bientôt le désir de sauver son bienfaiteur, l'emporta sur sa timidité naturelle. « Monsieur le général, dit-elle en jetant sur celui qui lui offrait si généreusement son appui, un regard plein de reconnaissance, « je suivrai vos conseils, j'irai trouver l'empereur Alexandre, si vous croyez qu'il daigne écouter la voix d'une infortunée qui n'attend plus d'autre satisfaction en ce monde que celle de rendre au bonheur, la noble famille qu'il a adoptée. » Cette réponse rehaussa encore l'orpheline dans l'esprit de son nouveau protecteur. Lui ayant remis aussitôt le « sauf-conduit » dont il venait de lui parler, il donna des ordres particuliers aux deux hommes qu'il laissait au château, et prit congé d'elle, en lui recommandant d'être exact à se trouver au lieu qu'il lui indiqua. C'était une vaste plaine, située à deux lieues de Ber, où déjà plusieurs corps de troupes attendaient Alexandre. Lorsque le général W. se fut éloigné du château, Juliette eut un moment d'entretien avec le bon docteur, dont elle connaissait le dévouement pour le colonel et pour sa famille, et elle accepta avec plaisir l'offre qu'il lui fit de l'accompagner dans la démarche qu'elle allait entreprendre. Étant ensuite passée dans la chambre de la malade, dont l'état n'avait pas changé, elle demeura pendant quelques minutes devant ce lit de douleur, où elle désirait si ardemment ramener l'espérance, et pria avec toute la ferveur dont son âme était capable, pour que Dieu bénisse ses pas. L'idée lui vint alors d'emmener Lucie avec elle, afin que la vue de cet enfant intéressa le prince en faveur du prisonnier, mais elle la trouva si abattue, si atterrée par les émotions de la veille, qu'elle parut hésiter. « Oh, je vous en conjure, lui dit son élève, ne craignez rien de ma faiblesse, permettez que ma voix aille se mêler à la vôtre, pour demander la liberté de mon père, la pensée de son malheur et des souffrances de ma pauvre maman soutiendra mon courage, d'ailleurs ne serai-je pas avec vous ? Eh bien, partons, et que le ciel nous protège, dit Juliette en pressant sur son cœur les mains de l'enfant. Toutes deux, laissant la baronne aux soins de plusieurs femmes dévouées, montèrent aussitôt en voiture avec Marianne et l'obligeant docteur. André les accompagnait à cheval avec plusieurs domestiques, et les deux Russes que le général avait laissés pour servir d'escorte. La route était couverte de troupaliers, auxquels il fallut plusieurs fois montrer le sauf-conduit, et qui, plusieurs fois aussi, firent frémir les deux jeunes filles par leur air menaçant. On arriva néanmoins sans accident devant une ferme abandonnée, peu éloignée de la plaine où Alexandre devait passer la revue. Cette ferme était entièrement cachée par un massif d'arbres, la voiture s'arrêta dans ce lieu, les deux jeunes personnes en descendirent, et aussitôt un des Russes qui les escortait s'éloigna à toute bride pour aller au-devant du général, qu'il avait ordre d'avertir. Une heure environ s'écoula, avant que rien n'annonçât l'arrivée du prince. Cette heure parut un siècle à Juliette et à ses compagnons, car, outre l'inquiétude du non-succès, chacun d'eux éprouvait un invincible sentiment de douleur et d'effroi à la vue de cette masse d'ennemis qui était là, immobile devant eux, et qui bientôt allait porter la guerre au sein de notre belle France, si accoutumée jusqu'alors à dicter des lois. Enfin l'empereur parut à l'extrémité de la plaine, suivi d'un nombreux état-major. Mais comment arriver jusqu'à lui, comment oser traverser cette troupe en armes, dont la vue seule faisait frissonner? Cachée derrière le massif d'arbres, Juliette suivait avec anxiété tous les mouvements du prince, son cœur battait avec violence, et la pâleur de ses traits annonçait sa pénible émotion. Tout à coup elle vit avancer Alexandre du côté où elle était placée, et un cri de joie lui échappa, elle avait reconnu, au milieu du cortège, Monsieur W., celui qui la protégeait. Saisissant alors la main de son élève, « Venez, ma Lucie, lui dit-elle, venez, Dieu veillera sur nous. » Elles eurent à peine les quelques pas, suivies du docteur et de Marianne, qui, pour rien au monde, n'eût voulu les quitter dans un pareil moment, qu'elles virent courir au-devant d'elles le brave général russe. Sa figure était rayonnante de joie. « Prenez courage, dit-il à Juliette, l'empereur est prévenu, vous connaissez, d'ailleurs, les nobles qualités de son âme. » Dans son trouble extrême, la pauvre enfant ne l'entendit pas, et quand elle arriva devant Alexandre, elle était si tremblante, qu'il lui fut impossible d'articuler un seul mot. « Rassurez-vous, mademoiselle, lui dit ce prince avec bonté, la fille du savant Obinski, a des droits réels à mon intérêt, je sais que de grands malheurs vous ont frappé, veuillez m'indiquer ce que je puis faire pour les adoucir. » Pendant ce discours, prononcé d'un ton plein de bienveillance, Juliette s'était un peu remise, et répondit. Puisque votre majesté daigne m'encourager, j'ose implorer d'elle une faveur qui sera pour moi le plus grand de tous les bienfaits, c'est la liberté de mon noble bienfaiteur, que le sort des armes retient prisonnier en Russie. En même temps elle présenta à l'empereur, la pétition qui contenait le nom du colonel. Alexandre lut cet écrit, quand il l'eut achevé, Juliette ajouta, en lui présentant Lucie. Sire, voici la fille du baron de Granville, daignez compatir à ses larmes, sauvez-la du malheur d'être orpheline. Pendant que Juliette parlait avec une émotion toujours croissante, Lucie, les yeux baignés de pleurs et les mains jointes, attendait en frémissant l'arrêt qu'allait prononcer le monarque. Séchez vos pleurs, mademoiselle, lui dit Alexandre d'une voix émue, allez consoler madame votre mère, je vais donner des ordres pour que le brave colonel vous soit rendu. Se tournant alors vers le protecteur de Juliette, il le chargea de veiller à ce que ses ordres fussent exécutés dans le plus court délai, puis, regardant l'orpheline, dont les traits expressifs peignaient la joie la plus vive, il ajouta « Mademoiselle Obinski, vous ne m'avez demandé qu'une faveur, et je vous l'ai accordée, maintenant je vous dois un acte de justice, vous jouirez désormais d'une pension à laquelle les services de votre père vous donnent des droits incontestables, le brevet vous en sera incessamment expédié. » Et vous en jouirez où il vous conviendra de résider. De plus, j'accorde une sauvegarde à la maison que vous habitez. Puis, sans attendre que l'orpheline lui exprimât sa reconnaissance, il la salua gracieusement et rentra au milieu de ses troupes. Monsieur W., dont le zèle avait eu de si heureux résultats, fut obligé de le suivre, mais il eut soin de donner des ordres, pour que ses deux protégés fussent reconduits par la même escorte qui les avait amenés, et pour que leur demeure fût à l'abri de toute insulte durant le passage des armées alliées. Les grandes joies sont comme les grandes douleurs, elles manquent souvent d'expression, et celle qu'éprouvaient Juliette et son élève, en retournant au château, avait pénétré si avant dans leur âme, qu'il leur fut d'abord impossible de la manifester autrement que par des larmes. « C'est la Providence qui vous a inspiré, » s'écria enfin Lucie en embrassant l'orpheline, « c'est elle qui vous a amené de si loin, pour sauver mes pauvres parents. Ah, si déjà mon cœur était à vous tout entier, si déjà je vous regardais comme ma sœur, comme ma meilleure amie, jugez maintenant ce que j'éprouve pour la libératrice de mon père. » Pendant quelques minutes, les deux jeunes filles se tinrent étroitement serrées dans les bras l'une de l'autre, et tous ceux qui les entouraient, partagèrent leur profonde émotion. Lorsqu'ils arrivèrent près de Ber, la nuit était venue, et tous les habitants qui n'avaient pas pris la fuite au moment de l'invasion accoururent à leur rencontre. Les troupes répandues dans la campagne ayant empêché ces braves gens d'aller plus loin, ils étaient restés sur la route, une grande partie de la soirée, attendant impatiemment le retour des deux amis, qu'ils n'avaient pu voir sans une vive inquiétude aller au camp des Russes. « Permettez que je leur annonce la bonne nouvelle, » dit le docteur en les apercevant, « leur attachement mérite bien cette récompense. » Aussitôt il leur cria, « Mes amis, nous reverrons notre brave colonel, il sera rendu à la liberté. » « Dieu soit loué, » répondirent à la fois tous ces bons paysans, « c'est une grande consolation, au milieu de nos peines. » Et tous saluèrent les deux jeunes filles avec des témoignages d'intérêt qui les touchèrent vivement. « Qu'il est doux d'être aimé ainsi, » dit mademoiselle de Granville à son institutrice, « c'est encore à vous, mon excellente amie, que je dois ce bonheur. Voyez, tout ce qui m'arrive d'heureux est toujours votre ouvrage. » « Ma Lucie, » répondit Juliette en pressant la main de la reconnaissante enfant, « je n'ai été dans tout ceci que le faible instrument, dont il a plu à Dieu de se servir pour vous manifester sa bonté, c'est à lui que nous devons reporter toutes nos actions de grâce. » Enfin elles arrivèrent au château, et leur premier soin fut de courir à la chambre de la baronne, qui, toujours dans le même état, ne s'aperçut même pas de leur présence. Cette continuelle insensibilité, fut un véritable supplice pour les deux jeunes filles, si avide de faire partager leur joie à celle qu'elle s'aimait. Et quoi, d'un seul mot nous pourrions la rendre à la vie, et ce mot ne saurait arriver à son cœur. Même n'y a-t-il donc aucun moyen de lui faire retrouver, pour quelques moments du moins, la faculté de nous entendre, demandèrent-elles au docteur. Ce moyen n'est pas au pouvoir de la médecine, répondit-il en soupirant, nous épierons l'instant favorable, et je vous promets de ne pas le laisser échapper, mais encore ne faudra-t-il rien brusquer. Quand notre cher malade recouvrera sa connaissance, l'espérance doit lui être offerte goutte à goutte, pour ainsi dire, une joie trop subite la tuerait. Soumise à cet arrêt, quelque pénible qu'il fût, Juliette reprit sa place au chevet de son amie, et aucune instance ne put la déterminer à s'éloigner. Sentant néanmoins le besoin de prendre quelque nourriture après une journée si fatigante et si agitée, elle consentit à partager le souper de Lucie, que l'on servit dans la pièce voisine. Ayant ensuite confié cet enfant aux soins de Marianne, qui depuis longtemps était devenue une seconde elle-même, elle retourna auprès de la baronne, pour épier le moment dont le médecin avait parlé, afin de lui offrir du moins les premières consolations, et de la préparer au bonheur qui l'attendait. La nuit se passa presque entièrement, sans qu'elle pût réussir dans son dessein, la malade paraissait toujours en proie au même délire. Cependant, vers le matin, la fièvre qui la dévorait tomba tout à coup, elle reconnut sa jeune amie, qui la regardait avec la plus tendre affection, et lui dit, « Vous ne me quittez donc jamais ? Quand j'ouvre les yeux, votre charmante figure est toujours là, me souriant comme un ange tutélaire. Bonne Juliette, là, si tant de dévouement pouvait guérir du plus affreux malheur, bientôt le mien disparaîtrait. Ce malheur, madame, est peut-être bien moins grand que vous ne pensez. » Répondit aussitôt l'orpheline, « D'ailleurs, quel qu'il soit, Dieu ne peut-il pas y mettre un terme ? Offrez-lui votre affliction, vos souffrances, et vous verrez qu'elles vous mériteront une faveur si chère. » La malade fixa de nouveau les yeux sur elle, et dit, « Vous espérez donc, vous ? Si j'espère, ah ! Madame, je ne doute pas que le ciel ne vous rende au bonheur. Que ne puis-je partager cette espérance ? Reprit la baronne. Puis, se recueillant, elle ajouta, « En effet, je devrais prier, et j'en suis incapable. Il suffit de votre intention, mon excellente amie, ce Dieu si bon, si puissant, qui d'un seul regard peut changer en joie nos maux les plus cruels, ne lit-il pas jusqu'au fond de nos âmes ? Et nos prières, quelle que soit leur forme, ne montent-elles pas toujours jusqu'à lui ? Eh bien, priez-le donc pour moi, pour mon époux infortuné, je vais me joindre à vous de cœur, ma Juliette. » Cette dernière se mit aussitôt à genoux, et pria avec une telle ferveur, que la baronne, en la contemplant, parut prendre de la sérénité, et dit, comme se parlant à elle-même, « Oui, quand une âme si pure invoque le Tout-Puissant, ses vœux doivent être exaucés. » En cet instant, le médecin, qui n'avait pas quitté le château, vint examiner sa malade, et parut très satisfait de la trouver aussi calme. « Voyez, lui dit-elle en montrant Juliette, c'est elle qui m'a donné ce calme-là. Elle m'assure que Dieu aura pitié de moi, qu'il me rendra un époux chéri. Eh bien, madame, livrez-vous tout entière à ces douces espérances, répondit le docteur, vous savez bien que Mademoiselle Obinski est notre bon ange à tous, et, quand elle nous prédit le bonheur, il faut la croire. Mais maintenant gardons le silence, une plus longue conversation vous fatiguerait, je supplie même votre charmante garde malade d'aller prendre quelques heures de repos, je vais la remplacer auprès de vous, madame, et j'espère qu'à son retour, elle vous trouvera dans un état assez satisfaisant pour continuer ce qu'elle a si heureusement commencé. Juliette, comprenant l'intention du docteur, consentit à se retirer, ainsi qu'il le désirait, et alla rejoindre Lucie, à laquelle elle rendit la tranquillité en lui annonçant que sa mère était beaucoup mieux. Un doux entretien s'établit alors entre ces deux jeunes filles, dont chaque jour les liens d'affection se resserraient davantage. C'était surtout dans ces entretiens, toujours si pleins de charme, que l'institutrice cherchait à développer l'intelligence et les sentiments de son élève. Chaque circonstance, chaque événement lui fournissait un texte pour lui inculquer quelque idée nouvelle sur les divers points de morale, qu'il lui importait de lui faire étudier, la jeune fille apprenait ainsi, sans y songer, et, pour ainsi dire, en folâtrant, les devoirs qui lui seraient un jour imposés dans le monde, et elle s'accoutumait d'avance à mettre son bonheur dans leur accomplissement. Rien, du reste, dans ses enseignements journaliers, ne sentait la méthode, c'était toujours de fait pris au hasard que ressortaient les conséquences, et jamais Lucie, après avoir entendu son institutrice ou l'avoir vu agir, ne soupçonnait qu'elle eût eu l'intention de lui donner une leçon ou de lui offrir un modèle. Lorsque tous deux rentrèrent auprès de la baronne, cette dernière, qui avait eu plusieurs heures d'un sommeil paisible, était si bien, que son médecin avait cru devoir la préparer à l'heureuse nouvelle qu'on devait lui apprendre. « Je vous attendais impatiemment, » dit-elle en voyant Juliette, « le docteur m'assure que vous savez des choses qui doivent me rendre heureuse. »« Ah, parlez, hâtez-vous, le bonheur ne peut jamais arriver trop tôt. » »« Auriez-vous appris quelque chose sur mon malheureux époux ?»« Je sais, madame, qu'une protection lui est accordée, et que sa captivité sera moins longue que nous l'avons craint d'abord. »« Qui vous l'a dit ?»« Oh, je vous en conjure, ne me donnez pas une fausse joie. » »« Non, non. » « Chère maman, » s'écria Lucie en pressant avec ardeur la main de sa mère, « papa nous sera rendu, c'est ma bonne amie qui a demandé sa liberté à l'empereur Alexandre. » Elle raconta alors à la baronne comment Juliette avait eu l'idée d'écrire à ce prince, comment elle lui avait été présentée l'une et l'autre, le vif intérêt qu'il avait montré à l'orpheline, enfin la double faveur qu'il avait accordée, quoiqu'elle n'en eût sollicité qu'une. « Du reste, » ajouta l'aimable enfant en regardant son ami, « je ne suis pas surprise de ce qu'elle a obtenu, il aurait fallu avoir un cœur bien dur pour lui résister, elle était si belle, si touchante quand elle parut avec moi devant l'empereur, que tous ceux qui entouraient ce prince, semblaient presque aussi émus que nous. » Madame de Granville avait écouté Lucie dans une sorte d'extase. Tout ce qu'elle venait de lui raconter lui semblait si merveilleux, qu'elle croyait par moments être le jouet d'un songe. Enfin quand la réalité lui fut bien prouvée, elle tendit les bras à l'orpheline, et ne put d'abord exprimer ses sentiments que par des larmes. « Chère et bonne Juliette, » lui dit-elle ensuite d'une voix entrecoupée, « ce nouveau bienfait surpasse tous les autres, jamais nous ne pourrons la quitter. »« Que dites-vous, madame, » interrompit l'orpheline, « oubliez-vous donc que j'avais contracté d'avance envers vous, et monsieur de Granville des obligations, qui doivent durer autant que ma vie ?» Quand vous m'avez recueilli pauvre et malade, quand vous m'avez comblé des soins les plus généreux, vous ne me connaissiez pas, j'étais pour vous une étrangère à laquelle vous ne deviez que de la pitié, moi, au contraire, en m'efforçant de soulager votre peine, je n'ai fait que remplir un devoir sacré envers mes bienfaiteurs. Ah, je vous en supplie, ne me parlez plus d'une reconnaissance que moi seule je dois ressentir, daignez aimer toujours la pauvre enfant qui n'a plus de mère, elle serait trop payée de ses soins. Ces derniers mots augmentèrent encore l'émotion de la baronne. Le médecin voulut alors que Juliette et Lucie la quittassent pendant quelques heures, afin que, durant cet espace de temps, elle ne pût reprendre un sujet d'entretien, qui produisait sur elle de trop vives impressions. Mais, à dater de cet instant, il n'y eut plus rien à craindre pour sa vie, le mieux se soutint, et fit même des progrès si rapides, qu'au bout de 8 jours elle fut en pleine convalescence, l'une des pêches, apporté par estafette du quartier général d'Alexandre, atteint encore sa guérison. Le général russe, qui avait si généreusement pris à cœur les intérêts de sa jeune compatriote, mandait à cette dernière que les ordres de l'empereur, pour rendre la liberté au colonel, avait été expédiée en Russie dès le lendemain de l'audience qu'elle avait obtenue, que l'on ignorait dans quelle ville de l'Empire, cet officier supérieur avait été envoyé, mais que la liste des prisonniers se trouvant dans les bureaux de la guerre avec les différents lieux de détention qui leur étaient assignés, il serait facile de retrouver Monsieur de Granville, et que toutes les facilités possibles lui seraient accordées pour son retour. On comprend toute la joie qu'une telle assurance apporta au château. À cette lettre, écrite dans les termes les plus flatteurs pour la jeune moscovite, était joint le brevet d'une pension de 300 roubles, dont une année lui était envoyée en billets sur la Banque de France, à titre d'arrérage. Ce bienfait de l'empereur toucha profondément Juliette, mais tout à coup une pensée douloureuse vint troubler les douces impressions que son amant recevait. « À quoi va me servir cette aisance si peu attendue ?» se dit-elle en laissant échapper des pleurs. « Hélas, je n'ai plus de mère pour la lui faire partager. » Longtemps elle restait absorbée dans cette affligeante idée, se souvenant enfin que c'était se montrer ingrate envers la Providence de ne pas assez priser les dons qu'elle en recevait, elle songea au bien qu'elle pouvait faire, et son premier soin fut d'aller porter aux pauvres paysans, dont l'invasion avait encore augmenté la misère, la part qu'elle leur destinait. Cette bonne action la rendit plus calme, mais ne put entièrement la distraire des tristes souvenirs, qui venaient de se réveiller dans son âme, et que le malheur de ses amis en avait écarté pendant quelques moments. Quand la prospérité ne nous vient, qu'après la perte de ceux que nous aimions, loin de nous consoler, elle nous attriste, l'orpheline le sentait si bien, que sa mélancolie habituelle s'accrut chaque jour davantage, quels que fussent ses efforts pour la surmonter. En vain la baronne et sa fille, la comblaient de soins et de prévenance, elle en était touchée, elle y répondait par un dévouement sans bornes, mais le vide affreux que la perte de sa mère avait laissé dans son cœur ne pouvait être rempli. Il y a des affections que nulle autre affection ne remplace, et l'amour filial était porté à un tel degré chez Juliette, qu'il lui était désormais impossible de vivre heureuse. « Comprenez-vous bien tout votre bonheur, ma chère Lucie, » disait-elle quelquefois à son élève, « vous possédez une bonne mère, ah, c'est le plus beau présent que le ciel nous ait fait dans sa bonté, plus on avance dans la vie, plus on sent le prix de ce don céleste. Qui peut, en effet, nous aimer comme nous aime notre mère ? Toutes les autres affections sont sujettes à décroître, la sienne ne change jamais. Sa tendresse, sa sollicitude ne sauraient être égalées, elle est pour nous à la fois le guide le plus sûr et l'amie la plus constante, c'est dans son cœur que se trouvent tous les genres de dévouement. C'est elle qui saisit notre premier sourire, et c'est d'elle aussi que nous recevons la première caresse. De quel soin elle entoure notre berceau, comme tout s'efface à côté de cet enfant, devenu la plus chère partie d'elle-même. Comme elle s'associe ensuite à ses peines, à ses plaisirs, comme elle le suit pas à pas dans ses succès et dans ses revers, et de quel sacrifice n'est-elle pas capable pour lui épargner seulement une larme, zéro ma chère Lucie, puissiez-vous toujours conserver ce bien suprême, que rien ne saurait remplacer. Et Juliette s'éloignait alors pour cacher ses pleurs. Dans ses accès de tristesse, c'était presque toujours au tombeau de son vénérable ami qu'elle allait se réfugier. Là, plus qu'ailleurs, elle retrouvait de la résignation, parce qu'entre la tombe et le ciel, il y a des harmonies qui parlent au cœur. Agenouillé sur la pierre tumulaire, qui recouvrait les restes du saint vieillard, il lui semblait entendre encore les sages exhortations qu'il lui avait données, et, pour lui obéir, elle cherchait à éloigner d'elle des souvenirs trop déchirants. Du reste, elle avait été jusqu'alors trop soumise à la volonté de Dieu, pour que le chagrin profond qu'elle conservait de la perte de sa mère, fût jamais un obstacle à l'accomplissement de ses devoirs envers la baronne et Lucie. Sans cesse, au contraire, elle leur montrait une parfaite égalité d'humeur, que l'une et l'autre ne se lassaient pas d'admirer. « Comment faites-vous, ma bonne amie, lui disait son élève, pour avoir constamment cette douceur de caractère que je vous envie, sans pouvoir toujours l'imiter ? Tout dépend des habitudes, que l'on se forme dans la jeunesse, répondit Juliette, pour acquérir celle de la douceur. Il faut commencer par obtenir qu'elle empire sur soi-même. Sans doute il est des natures rebelles, qui ont de grandes difficultés à se vaincre, mais elles y parviennent avec une ferme volonté et en s'appuyant sur Dieu, qui jamais ne nous refuse ces sortes de grâces, quand nous les lui demandons avec humilité et persévérance. De toutes les qualités propres à notre sexe, la douceur, vous le savez, ma chère Lucie, est assurément la plus indispensable, et nous ne saurions faire trop d'efforts pour l'obtenir, car nous sommes destinés à vivre dans la dépendance de tout ce qui nous entoure. Si nous manquons de cette qualité essentielle, qui embellit jusqu'à la laideur, ou qui du moins la fait supporter, sans l'effet de notre repos, et des affections qui peuvent nous rendre heureuses. C'est surtout ce que mon excellente mère me répétait souvent, une femme douce, me disait-elle, désarme la violoncelle. Le même, presque toujours elle parvient à se concilier la bienveillance et l'attachement, tandis que la femme acariâtre n'inspire qu'un, éloignement et le dégoût, quels que soient les avantages extérieurs dont elle est pourvue. Celle qui se fie à sa beauté, et néglige d'acquérir les vraies qualités de son sexe, limite volontairement la durée de son bonheur, ou plutôt elle le rend pour jamais impossible. Ce fut à ces sages observations, continuait l'orpheline, que je dus de m'habituer, dès mon enfance, à modérer la vivacité de mon caractère, qui fort souvent s'irritait à la moindre contradiction. Quand je cédais à des mouvements d'impatience, qui dégénéraient quelquefois en colère, ma mère avait coutume de me traiter comme une enfant malade, et m'obligeait à suivre un régime plus ou moins rigoureux, selon que l'accès avait été plus ou moins violent. Sous prétexte que le mal dont j'étais atteinte, ne pouvait se passer que dans la solitude et le repos, elle m'isolait de tout le monde, et me privait de mes jeux ordinaires. Jugez quel était alors mon ennui, et comme je m'efforçais ensuite de me montrer douce et patiente, afin de lui prouver que la maladie avait disparu. Du reste, cette bonne mère n'usa de ses moyens que pendant mon enfance, quand ses soins assidus développaient ma raison, c'est à elle qu'elle s'adressa pour me corriger des autres défauts, qui lui semblaient devoir nuire à mon bonheur, le désir de la satisfaire, le besoin de son approbation, ne furent pas moins puissants que ses leçons sur mon esprit et sur mon cœur, la voir sourire à mes efforts, était une récompense que j'ambitionnais par-dessus tout. Il y a tant de douceur, ma chère Lucie, à se sentir digne de la tendresse d'une mère. Ces conversations entre l'institutrice et son élève produisaient chaque jour des effets plus merveilleux sur cette dernière, car elle voulait à toute force ressembler à sa jeune amie, qu'elle aimait avec une sorte de passion, et, pour mériter aussi son amitié, elle s'efforçait de suivre ses conseils et de marcher sur ses traces. Chapitre 11. Le bonheur ne nous paraît jamais si grand que quand il nous advient au milieu de l'adversité. Cependant les jours s'écoulaient au château dans une attente qui devenait à chaque instant plus pénible. La baronne avait entièrement recouvré la santé, et s'était remise à ses études, dans l'espoir de se rendre plus que jamais digne de l'affection de son mari. Mais bientôt de vives inquiétudes vinrent se mêler à toutes les espérances de bonheur, que la mère et la fille avaient conçues. Éloignée de toute relation, ne recevant aucune nouvelle ni de la Russie, ni du quartier général de l'empereur Alexandre, qui s'avançait alors sur Paris, Madame de Granville commençait à craindre que les ordres de ce prince n'eussent pas été exécutés, ou qu'ils ne fussent arrivés trop tard pour le malheureux colonel. Juliette elle-même était souvent poursuivie par cette crainte affreuse, et ne trouvait pas toujours des raisons suffisantes pour rassurer son ami, qui ne jouissait plus d'un seul moment de repos. Deux mois s'étaient écoulés au milieu de ces anxiétés cruelles, et tout faisait craindre que l'épouse infortunée n'y succombât, lorsqu'un soir qu'elle était assise avec Juliette et Lucie sur une terrasse qui dominait l'avenue du château, elles entendirent une voiture s'arrêter en dehors de la grille, et virent aussitôt accourir André, qui leur cria, « C'est lui, c'est lui, c'est notre brave colonel !» Lucie s'élança comme un trait, mais sa mère ne put l'imiter, la joie qui venait de s'emparer de son cœur était au-dessus de ses forces. Elle retomba évanouie dans les bras de Juliette, et quand elle reprit connaissance, elle se sentit pressée dans ceux de son heureux époux, qui lui prodiguait les noms les plus tendres. Déjà on l'avait transportée au château, elle put voir alors sur la noble figure du baron tous les maux qu'il avait endurés pendant sa captivité. « Pauvre ami, s'écria-t-elle en voyant son affreuse maigreur, tu as donc bien souffert ? Ne me parle plus de souffrance, lui répondit vivement le brave militaire, ne sont-elles pas oubliées, puisque je suis au milieu de tout ce que j'aime? Puis, se tournant vers la jeune institutrice, il l'embrassa avec une effusion de joie impossible à décrire, et lui dit, vous aussi, chère Juliette, vous allez être heureuse. J'ai enfin trouvé un moyen de m'acquitter envers vous. Oui, je puis maintenant vous rendre au bonheur, mais, pour cela, il faut me promettre de le supporter avec autant de courage, que vous en avez montré dans l'adversité. Juliette, étonnée, crut que la joie avait un peu troublé les idées de son bienfaiteur. Il devina sa pensée, et reprit, « Non, non, ne croyez pas que mon esprit s'égare, je suis, il est vrai, enivré de ma félicité, mais elle serait moins complète si je ne pouvais, d'un seul mot, faire passer dans votre âme toute la joie dont la mienne est comblée. Espérez, espérez, ma bien chère Juliette. » À ces paroles étranges, la jeune fille pâlit, tous ses membres s'agitent, et elle dit d'une voix étouffée par sa profonde émotion, « Au nom de Dieu, Monsieur, ne me donnez pas un espoir que vous ne sauriez réaliser. Une seule chose pourrait me rendre un bonheur aussi parfait que le vôtre, la vie de ma mère. Eh bien, soyez donc heureuse, mille fois heureuse, car cette mère si chérie, si regrettée, elle est vivante, je vous l'assure. Au ciel, que dites-vous, ma mère? Oui, vous l'avez cru engloutie dans les flots de la Bérézina, mais elle vit pour vous aimer. Achevez. Où est-elle? Venez, venez, la voici, s'écria en ce moment Marianne en ouvrant brusquement la porte d'un cabinet où se trouvait en effet Madame Obinski, qui reçut sa fille dans ses bras, mais qui retomba aussitôt sur le divan où André l'avait portée en descendant de voiture. Ma mère. Ma Juliette, furent d'abord les seuls mots que purent articuler la mère et la fille. Tour à tour elles s'embrassaient étroitement, ou se regardaient avec extase. Vous vivez, vous m'êtes rendue, s'écriait l'heureux enfant en baignant de ses pleurs les mains de cette mère adorée, devant laquelle elle était tombée à genoux. Oh mon Dieu, je ne suis donc plus orpheline, vous avez daigné faire pour moi un miracle. Chère maman. Ma bien-aimée Juliette. Et tous deux recommençaient à s'embrasser, comme si elles avaient craint de se voir encore séparées. Tous ceux qui assistaient à cette scène, partageaient leur joie et leur vive émotion. Marianne seule n'avait pu en être témoin, après avoir conduit Juliette dans les bras de ses mères, elle s'était retirée dans la pièce voisine, d'où on l'entendait sangloter. « Pauvre femme, dit Madame Obinski, elle pleure, et je ne puis la consoler. Hélas, c'est pour me sauver, c'est pour me rendre à mon enfant que son Antoine a péri. » À ces mots Juliette se leva, courut vers Marianne, et se jetant à son cou. « Tu as vécu pour moi, lui dit-elle, tu m'as servi de mère. Ah, viens, viens, je t'en conjure, partagez mon bonheur. Ne sais-tu pas que ma vie entière sera consacrée à te chérir ? » Celle à qui s'adressaient des expressions si tendres, avait une âme trop aimante pour y être insensible. « Pardonnez-moi ces larmes qui troublent un moment si heureux pour vous, » répondit-elle en embrassant Juliette, « je n'ai pu les retenir, mais déjà je sens que votre affection les rend moins amères. » Alors, s'avançant vers Madame Obinski, qui lui tendit les bras, elle lui dit à travers ses pleurs, « Je bénis le ciel, puisque mon Antoine a pu vous sauver. » La famille du colonel voulut à son tour exprimer sa joie à la mère et à la fille. Heureuse du bonheur de son ami comme du sien propre, Lucie la pressa sur son cœur en lui disant, « Autrefois j'osais à peine caresser ma mère devant vous, parce que je vous trouvais trop à plaindre d'avoir perdu la vôtre. » Mais, maintenant que nous en aurons chacune une, ou plutôt chacune deux, nous serons également heureuses, et je ne me gênerai plus. » Ce mot, qui peigna si bien le cœur de l'aimable fille, toucha profondément Juliette, qui déjà paraissait accablée sous le poids de tant de félicité. Cependant, après que les premières émotions se furent un peu calmées, lorsqu'elle put regarder sa mère avec plus d'attention, elle fut épouvantée des ravages que le malheur avait opérés dans toute sa personne. Madame Obinski n'était plus eu effet que l'ombre d'elle-même, elle avait à peine 38 ans, quand le plus affreux événement l'avait séparée de sa fille, alors sa noble figure était encore d'une beauté remarquable, et maintenant chacun de ses traits portait l'empreinte d'une longue souffrance. Elle était d'une telle maigreur et d'une telle faiblesse, qu'à chaque instant on eût dit qu'elle allait s'évanouir. Plus Juliette examinait ce triste changement, plus son inquiétude s'accroissait. « Ne t'alarme pas, cher enfant, » lui dit cette tendre mère, qui devinait tout ce qui se passait dans son âme, « le bonheur que je goûte auprès de toi, aura bientôt fait disparaître ces traces d'infortune qui t'affligent. Oublies-tu donc que le Seigneur a fait pour nous un miracle? Ah, sa bonté ne nous a pas réunis pour nous séparer maintenant. Non, non, Juliette, rassure-toi, il me laissera vivre pour te chérir, déjà je me sens mieux. » Ta vue me rappellerait, je crois, des portes du tombeau. Le baron, qui depuis longtemps déjà était habitué à donner des soins à Madame Obinski, lui proposa alors de prendre quelque nourriture, et la conduisit jusqu'à la table où l'on avait servi le souper. Juliette, en remarquant ses attentions délicates, et sa sollicitude pour ses mères, en fut touchée jusqu'aux larmes. Avec quelle douce émotion aussi elle vit cette mère chérie assise à la même table où tant de fois, son souvenir l'avait troublée, et où maintenant chacun se disputait le bonheur de la servir. « Il ne manque ici, » dit le brave colonel d'une voix attendrie, « que le vénérable ami de ma jeunesse. Hélas, ici-bas il n'est pas de félicité parfaite. Son âme est au ciel, » répondit Juliette, « c'est là notre consolation. Il m'avait prédit des jours heureux, et alors je ne croyais plus au bonheur, mais une inspiration toute céleste lui montrait l'avenir. » En disant ces mots, Elle pressait avec ardeur la main de sa mère, qui, tout entière au plaisir de la contempler, ne trouvait aucune expression qui pût rendre ses sentiments. Revoir sa fille après s'être cru séparée d'elle pour jamais, la retrouver plus belle, plus accomplie encore qu'au moment de leur séparation, la retrouver surtout honorée et chérie des personnes les plus respectables, quand l'abandon et le malheur semblaient menacer sa jeunesse, oh, celle-là une de ces joies immenses, que le cœur d'une mère peut seule comprendre, parce qu'elle ne ressemble à aucune autre joie. Madame Obinski était si extasiée, si pénétrée de la sienne, qu'il lui fut impossible de répondre à la curiosité pleine d'intérêt, que chacun montrait pour savoir comment, elle avait été arrachée à la mort. Vainement aussi la baronne et Lucie, questionnèrent Monsieur de Granville. « J'ai tout oublié, répondait-il en serrant l'une et l'autre dans ses bras, l'histoire de ma captivité, n'a d'ailleurs rien d'intéressant, que ma rencontre avec notre digne amie, elle-même se chargera de vous raconter cette rencontre presque miraculeuse, mais, pour aujourd'hui, il faut lui faire grâce. » Éludant ainsi tout ce qui pouvait lui rappeler de pénibles souvenirs, lui-même se surprenait faisant aussi mille questions, auxquelles personne n'était en état de répondre d'une manière claire et précise, et la soirée tout entière se passa au milieu de phrases commencées et non finies, au milieu de ce trouble, enfin, qu'amènent presque toujours les grandes joies comme les grandes douleurs. Quand Juliette et sa mère se retrouvèrent seules, leur premier soin fut de tomber à genoux pour remercier le Seigneur de les avoir rendues l'une à l'autre. Oh, que cette action de grâce fut douce pour toutes deux! Elle sentait si vivement ce que ce Dieu de bonté avait fait pour elle, et il y avait si longtemps que leur voix ne s'était réunie pour lui rendre hommage. Elles voulurent ensuite se livrer à de mutuels épanchements, mais leur émotion les en empêcha. Madame Obinski avait d'ailleurs le plus grand besoin de repos, sa fille la pressa de s'y livrer. S'étant fait dresser un lit tout à côté du sien, elle passa une grande partie de la nuit à contempler cette mère si tendre, qu'elle avait tant pleuré, et qui maintenant était là, très belle, goûtant un sommeil paisible, et paraissant encore lui sourire. À présent plus de tristesse, plus d'ennui, se disait l'heureuse fille, mon cœur, désormais, elle n'éprouvera plus ce vide affreux, qui me désenchantait même des plus grandes beautés de la nature, tout va s'animer pour moi, une vie nouvelle m'apparaît, chaque jour, à chaque instant, je verrai ma mère, je travaillerai à son bonheur. De douces larmes s'échappaient alors de ses yeux, et elle aspirait à être au lendemain pour entendre de nouveau les accents de la tendresse maternelle. Enfin le jour parut, et Madame Obinski, à son réveil, se sentit pressée dans les bras de sa Juliette. « Oh ma bien-aimée, que tu me rends heureuse !» s'écria-t-elle en lui rendant caresse pour caresse, « comme ton âme est bonne, que je bénis Dieu de t'avoir conservée si digne de mon amour !» Chère maman, oui, Dieu a soutenu de sa main paternelle, l'enfant que vous aviez formé, il a même daigné lui accorder quelque aisance, afin qu'en vous retrouvant elle pût rendre votre vie entièrement indépendante. Voyez, continua-t-elle en apportant un petit coffret contenant ses épargnes, le brevet de sa pension et le contrat des 12 000 francs, que lui avait laissé Monsieur de Bonnier, voyez, désormais vous ne manquerez de rien, dans sa bonté, la Providence a pourvu à tout. Avant cet instant fortuné, j'attachais bien peu de prix à ses dons, maintenant il complète mon bonheur, puisque ma mère va en jouir. Assurément il n'y avait rien que de fort naturel dans l'action de Juliette, mais toutes les mères comprendront combien Madame Obinski dut en être touchée, le bien qui nous arrive par nos enfants porte un cachet à part, non seulement il nous plaît en raison de son utilité, mais il donne à notre âme un bien-être indicible, puisqu'il est un témoignage de cet amour filial, dont se compose principalement notre félicité en ce monde. L'empressement que l'excellente fille avait mis à rassurer sa mère sur leur avenir, allait donner lieu à de mutuels épanchements, lorsque la baronne et Lucie vinrent les interrompre en leur apportant le nouveau tribut de leur affection. Bientôt le colonel fit demander la permission d'entrer aussi, elle lui fut accordée sur le champ, et, après avoir embrassé cordialement Juliette et sa mère, il dit à celle-ci, « Nous avons vainement cherché, madame, pendant notre interminable route, quel était le branche qui avait fait cesser ma captivité, et par suite la vôtre, eh bien, rendez à Dieu de nouvelles actions de grâce. C'est à votre digne enfant, que nous sommes redevables de cet immense bienfait. Bonne et chère Juliette, continua-t-il en regardant la jeune fille d'un air attendri, vous avez cru ne travailler que pour celui qui avait déjà contracté envers vous les plus grandes obligations, et en l'arrachant au malheur vous avez trouvé la plus douce récompense de vos soins. Le ciel en soit mille fois béni. Monsieur de Granville dit ensuite à sa fille de raconter à Madame Obinski, ce qu'elle venait de lui apprendre à lui-même concernant la démarche de Juliette auprès de l'empereur Alexandre. Lucie ne se fit pas prier, parler de son ami était toujours un nouveau besoin pour son cœur, et elle mit une grâce si parfaite en traçant à l'heureuse mère tous les détails qui pouvaient l'intéresser, que cette dernière l'embrassa tendrement, pour la remercier du plaisir qu'elle lui avait causé. La baronne et Juliette témoignèrent ensuite à Madame Obinski, le désir de connaître de quels moyens, la Providence s'était servie pour l'arracher à la mort, et la réunir ensuite à Monsieur de Granville. Comprenant leur curiosité à ce sujet, elle s'apprêtait à la satisfaire, lorsque le bon docteur, qui avait pris tant de part au chagrin de la famille, fit demander à lui offrir ses félicitations. Il était suivi de tous les habitants du village, qui demandaient aussi à voir le brave colonel. Il fallut donc remettre ce récit, si impatiemment attendu, après le déjeuner. Monsieur et Madame de Granville descendirent avec Lucie, et pendant ce temps Juliette habilla sa mère, non sans soupirer plus d'une fois en remarquant de nouveau tous les ravages qui s'étaient opérés dans sa personne. Tous deux étaient prêts de rejoindre la famille, lorsque Marie-Anne, accourant vers elle, leur dit « Venez, venez, vous êtes attendus par tous les bons paysans, ils demandent à voir la mère de la jeune moscovite, ils veulent lui souhaiter aussi la bienvenue. » Ces mots, qui apprenaient à Madame Obinski combien sa fille était aimée, la firent tressaillir de plaisir. Elle descendit, appuyée sur le bras de sa Juliette, et fut accueillie avec des témoignages de respect qui la touchèrent profondément. « Ah! Madame, que vous êtes heureuse, lui dirent ces gens simples et naïfs, quelle excellente fille vous avez là, comme elle est bonne et charitable. Oh, elle méritait bien le bonheur de vous retrouver. Qu'on juge ce qu'éprouva Madame Obinski en écoutant de tels discours. Il y a tant de douceur pour une mère à entendre louer son enfant. Chapitre 12. La résignation précède l'espérance, comme le crépuscule paraît avant l'aurore. Drose. Lorsque les habitants de Ber, qui s'étaient plu à rendre hommage aux vertus de la jeune moscovite, se furent éloignés du château, la famille se réunit avec le bon docteur autour de la table du déjeuner. Monsieur de Granville sortit ensuite, pour aller saluer la tombe du vénérable ami qu'il regrettait, Madame Obinski, cédant alors à l'empressement que chacun témoignait pour connaître, ce qui lui était arrivé depuis sa séparation d'avec sa fille, commença son récit en ces termes. « Tu n'as pas oublié, ma Juliette, ce moment funeste où je vis, à la pâle lueur de la lune, la courageuse Marianne s'est lancée avec toi sur le pont de la Bérésina. Éperdue, je me mis en chancelant sur tes traces, conduite par le bon Antoine, qui vainement s'efforçait d'écarter la foule, dont ce pont fatal était encombré. Nous n'avancions qu'avec peine au milieu de cette masse compacte, qui, en avant comme en arrière, se ruait sur nous, quand tout à coup l'horrible craquement, qui se fit entendre ouvrir un abîme sous nos pas. Nous y fûmes précipités. Antoine, le généreux Antoine, n'avait pas quitté mes mains. Luttant avec un courage intrépide contre la mort qui nous menaçait, il me soutenait au-dessus des ondes, et déjà nous étions près d'atteindre le bord du fleuve, lorsqu'un énorme glaçon nous repoussa loin du rivage. Dans ce choc violent, Antoine avait reçu une blessure qui lui arracha un long gémissement. Bientôt ses forces s'épuisèrent, et ce fut à mon tour à le soutenir, j'avais heureusement saisi un des débris du pont qui flottait au-dessus de l'eau, mais ce débris m'échappa, et j'allais périr quand un de ces hommes héroïques, qui se dévouèrent dans ce moment plein d'horreur pour sauver quelques victimes, me prit par mes vêtements et me ramena sur la plage que je venais de quitter. Hélas, mon infortuné compagnon avait disparu. Je fus transporté mourante devant le feu d'un bivouac, où l'on me donna quelques secours, mes yeux se rouvrirent un moment, je prononçai ton nom chéri, ma Juliette, et aussitôt je retombai dans un profond anéantissement, quand je revins à moi, le bivouac était désert. Ce n'est qu'en songeant à la puissance de ce Dieu de bonté, qui me réservait au bonheur dont je jouis, que je puis comprendre comment, je ne succombai pas alors à l'horrible douleur qui s'empara de mon âme, car, pendant quelques instants, le sentiment de mes maux s'y réveilla tout entier. Mon corps brisé, exténué de faiblesse, ne pouvait plus se mouvoir, je sentais dans tous mes membres d'intolérables souffrances, qui n'approchaient pas encore des déchirements de mon cœur. Cette affreuse angoisse était au-dessus de mes forces, je m'évanouis de nouveau, j'ignore combien de temps je restais dans cet état. En reprenant l'usage de mes sens, j'aperçus près de moi des militaires français blessés. L'un d'eux me tendit par pitié une gourde, dans laquelle se trouvait un peu de vin. Je rassemblai toutes mes forces pour en avaler quelques gouttes, qui me sauvèrent la vie. Un regard jeté sur mon bienfaiteur, m'apprit que lui-même était mourant. Je voulais lui rendre sa gourde. Gardez-la, me dit-il, moi je n'en ai plus besoin, et j'en bénis le ciel. Être prisonnier des Russes. Non, non, il vaut mieux mourir. En finissant ces mots, il laissa retomber sa tête sur le sol, et ma faible voix l'appela en vain. Tous les autres blessés poussaient des plaintes et des cris, qui ne faisaient qu'ajouter à l'horreur de ma situation. Quelques-uns d'entre eux, moins souffrants que les autres, avaient ranimé le feu du bivouac, ils parlèrent d'un combat qui venait d'avoir lieu, un, déplorant le malheur d'être tombé vivant au pouvoir des Russes. Leurs discours me remplirent pour moi-même d'une telle épouvante, que je n'eus pas la force de leur adresser une seule question. Bientôt, hélas, je ne pus douter de mon horrible sort, des Cosaques vinrent enlever les blessés français pour les placer dans des traîneaux, on m'emporta avec eux, malgré mes prières et mes gémissements, et je fus conduite à Boris, en proie à une fièvre dévorante qui ne me quitta, pendant quelques instants, qu'au bout d'un mois environ. Quand le délire cessa, quand je pus fixer mes regards sur les objets qui m'environnaient, je me vis au milieu d'une espèce de cachot, où une étroite croisée, fermée d'une grille, laissait à peine pénétrer quelques rayons de lumière. Mes idées furent d'abord si confuses, que je regardai comme machinalement autour de moi, peu à peu le chaos dans lequel je semblais être plongé se dissipa, le passé m'apparut, l'image de ma Juliette se présenta devant moi, et toutes les douleurs de mon âme se ravivèrent. Mon Dieu, c'est vous qui, dans ce moment de douloureuse angoisse, vintes me consoler, car à mes plaintes se joignit une fervente prière, que votre bonté daigna accueillir. Une voix intérieure sembla me dire, « Ta fille est sauvée. » Je crus à cette voix, et je repris courage, « Ô Marie, reine des anges, je vous ai confié mon enfant dès son berceau, m'écriai-je, daignez aujourd'hui protéger sa jeunesse abandonnée, soutenez-la dans l'affliction, éloignez d'elle tous les périls, demandez à votre divin fils de me rendre un jour cet enfant si cher. » Après cette invocation, je repassai dans ma mémoire l'instant où ma Juliette, emmenée par Marianne, s'élança avec elle sur le pont. Il me sembla que la foule immense qui s'y précipita, en même temps que moi, et qui me repoussa en arrière avec Antoine, n'avait pu les empêcher d'atteindre l'autre rive, parce que mon hésitation leur avait donné un peu d'avance sur nous, cette pensée acheva de me rassurer, et je pus alors, faisant un retour sur moi-même, examiner avec plus d'attention le lieu où j'étais enfermé. L'inspection, hélas, en fut bientôt faite, c'était, je le répète, un misérable réduit où les rayons du soleil n'avaient jamais pénétré. Un mauvais chalet recouvert d'une paillasse sur laquelle j'étais étendu, un banc placé tout auprès une cruche d'eau, composait seul l'ameublement de ce lieu infect. Je ne doutais pas que je n'y fusse prisonnière, car, m'étant soulevé pour regarder la porte, j'y vis une énorme serrure fermée à triple tour. Retombant alors sur mon grabat, je fondis en larmes. Peu de temps après j'entendis ouvrir ma prison, une femme d'une taille gigantesque, et d'une figure repoussante parut devant moi. « Vous êtes donc enfin éveillé, me dit-elle en langue russe, ma foi, je vous croyais endormi pour toujours, car il y a un mois que vos yeux, ne se sont ouverts que maintenant. Voyons, avez-vous repris votre bon sens, et finirez-vous de me regarder ainsi ?» Ces mots et le ton de dureté qui les accompagnaient me firent frémir, ils m'apprenaient dans quelle main inhumaine j'étais tombé. « Ayez pitié de moi, dis-je à cette femme, apprenez-moi où je suis. Où vous êtes ?» reprit-elle avec un affreux sourire, et, mais, en prison apparemment, ne le voyez-vous pas? Hélas, je le craignais. Mais pourquoi suis-je prisonnière? Je n'ai fait aucun mal. Et ces Français parmi lesquels on vous a trouvé, comptez-vous cela pour rien? Tout êtes de la même nation, cela est aisé à entendre, ainsi on doit vous traiter comme une ennemie. Ce serait une grande injustice. M'écriai-je, quoique née française, j'habitais Moscou depuis 20 ans, mon mari était russe, et l'autorité ne saurait avoir aucun intérêt à me retenir prisonnière, elle n'en a pas le droit. Et, n'a-t-elle donc pas celui du plus fort, reprit ma geôlière avec une sorte d'embarras. Mais vous êtes femme, insistai-je, vous aurez pitié d'une pauvre mère séparée de son enfant, vous m'aiderez à faire connaître la vérité. Pitié, pitié, murmura-t-elle, sans doute j'aurai pitié. Ne vous ai-je pas soigné depuis un mois que vous êtes là? Je ne voulais pas avoir votre mort à me reprocher. Et maintenant je veux bien vous donner de la nourriture, vous ne manquerez de rien, tenez, prenez ceci. Ouvrant alors un panier qu'elle avait déposé à terre, elle en tira une petite cruche, versa du lait chaud dans une écuelle, y mit un peu de pain, et me fit avaler quelques cuillerées de ce mélange. Je voulus ensuite essayer de nouveau de l'intéresser à mon sort, mais elle me dit brusquement. Finissons, on ne parle pas tant ici, entendez-vous? Voici de quoi boire si vous avez soif, je vous laisse ce reste de pain trempé, vous le mangerez si vous avez faim. Ce soir je reviendrai vous apporter quelque autre chose, à condition que vous ne me ferez plus entendre, toutes ces jérémias que je n'aime pas. Quand elle se fut éloignée, une idée soudaine vint me saisir, en quittant Moscou, j'avais ceint mon corps, par-dessous mes vêtements, d'une large ceinture de peau, recouverte en taffetas ciré, et dans laquelle j'avais enfermé, outre des papiers qui pouvaient m'être utiles, une somme en or assez forte, provenant de la vente de mes diamants, c'était ce qui composait notre petite fortune. Je ne t'en avais remis qu'une faible portion, ma Juliette, afin que le poids de cet or ne te gênât pas durant ce voyage. Juge de mon saisissement, ou plutôt de mon désespoir, quand je reconnus que cette ceinture m'avait été enlevée. Il ne me semblait pas qu'elle m'eût été prise avant mon emprisonnement, et mes soupçons ne purent se porter que sur ma geôlière. J'entrevis alors à quel degré de malheur j'allais être réduite, car, si cette femme, qui paraissait n'avoir rien de son sexe, s'était en effet rendue coupable d'un tel larcin, elle avait nécessairement un grand intérêt à empêcher mes réclamations de parvenir à l'autorité. Peu accent aigu, et c'en était fait de ma liberté, peut-être même de ma vie. Cette pensée accablante m'arracha des larmes amères, j'en étais encore baigné lorsque ma geôlière revint auprès de moi. Sentant la nécessité de ne pas lui montrer toute l'horreur qu'elle m'inspirait, je m'efforçai de comprimer mes sentiments, et je reçus la nourriture que sa main me présenta. Mon cachot était alors éclairé par une lampe qu'elle avait apportée avec elle, et je pus examiner plus attentivement encore sa figure osseuse, où se peignaient tour à tour la dureté et une sorte de trouble, dont elle ne parvenait pas toujours à se rendre maîtresse. Voulant l'obliger à me parler, je lui demandai son nom. « On m'appelle Soniska, » me répondit-elle. « Soniska, » repris-je, « vous ne voulez donc pas que je meure, puisque vous me donnez de quoi soutenir ma misérable existence ? Que vous viviez ou que vous mouriez, cela m'est égal, je ne veux qu'une chose, c'est de ne pas contribuer à votre mort en vous laissant manquer du nécessaire. Je vous suis obligé de cette intention, et je désire vous en récompenser, Soniska. » Veuillez me remettre une ceinture que j'avais sur moi quand on m'apporta dans ce lieu, elle contient assez d'or pour me fournir le moyen de reconnaître vos soins, et je le ferai avec plaisir. À ces demandes son trouble augmenta sensiblement, mais, reprenant presque aussitôt de l'empire sur elle-même, elle me jeta un de ces regards que je ne pouvais voir sans frémir, et me dit d'une voix concentrée par la colère. « Qu'est-ce que c'est, une ceinture, de l'or, sais-je de quoi vous me parlez, moi ?» Votre tête bat donc encore la campagne, vous devenez tout à fait folle apparemment, et me feriez bien passer pour une voleuse. Mais prenez garde, si vous répétez encore ces sornettes, ma patience sera bientôt à bout, et alors ? Ici elle fit un geste qui me remplit d'épouvante, car je le regardais comme une menace de mort. Elle vit l'effet qu'elle avait produit, et se retira aussitôt, me laissant dans une obscurité profonde, qui ajouta encore à toutes les terreurs qui s'étaient emparées de mon âme. L'idée que j'étais entièrement à la merci d'un être aussi pervers, l'idée de ne plus voir ma Juliette, et de mourir dans cet affreux cachot sans savoir quel était son sort, me jeta toute la nuit dans un état de stupeur impossible à décrire. La fièvre, à laquelle j'avais déjà failli succomber, se ranima plus violente que jamais, et je passai encore un temps considérable dans des alternatives de souffrance aiguë et d'anéantissement qui, du moins, m'arrachèrent au sentiment de mon malheur. Qui le croirait, pendant tout ce temps, que je pus estimer ensuite à plus de 3 mois, je fus soigné par Soniska avec la même assiduité, la même persévérance que durant la première période de ma maladie. Évidemment cette femme souhaitait ma mort, j'étais pour elle un sujet de peine et de soucis, mais elle désirait que ma fin arrivât naturellement, pour n'avoir pas de crime à se reprocher. Contre toutes ces prévisions, je résistais à tant de maux, et elle me vit revenir à la santé avec autant d'étonnement que de tristesse. Dès cet instant sa brusquerie et sa dureté augmentèrent encore. Je n'essaierai pas de vous peindre tout ce que je souffris, toutes les tortures qui déchiraient mon âme en pensant à ma fille, mon bonheur actuel est trop grand, pour que je puisse me retracer de si douloureux souvenirs, j'ai tout pardonné d'ailleurs. Souffrez donc que je vous épargne ces tristes détails, et que j'arrive à mon heureuse délivrance, que l'auteur même de ma misère prépara. Je languissais depuis un an dans ce lieu de douleur, sans avoir joui un seul jour de la bienfaisante clarté du soleil, sans avoir vu d'autres êtres vivants que ma geôlière, lorsque je m'aperçus d'un affaiblissement notable dans la santé de cette femme. Chaque jour je la vis plus pâle, plus affaissée, et son caractère de brusquerie prit encore une teinte plus sombre, pourtant le peu de paroles qu'elle m'adressait étaient beaucoup moins dures, moins révoltantes qu'auparavant, et la nourriture qu'elle m'apportait était infiniment meilleure. Elle me fournissait aussi du linge plus fin et plus régulièrement, en un mot, ma triste vie s'améliora, car dès lors les attentions, les soins de Soniska allèrent souvent, pour moi jusqu'à la délicatesse, souvent aussi je surprenais une larme sous sa paupière abaissée, quand elle voyait couler les miennes, mais si j'essayais de lui parler, si j'osais réclamer contre mon injuste détention, elle m'imposait silence par son regard terrible. Et fuyait aussitôt pour ne pas entendre, de mes plaintes. Cependant les forces de cette malheureuse femme allaient toujours en décroissant, quoiqu'elle ne se plaignît pas, je la voyais dépérir, et j'eus alors de mortelles inquiétudes pour moi-même, par la crainte de tomber en des mains pires que les siennes, si elle venait tout à coup à succomber. J'étais résolu à hasarder quelques questions auprès d'elle à ce sujet, lorsqu'un jour, après l'avoir attendue pendant plusieurs heures dans la plus douloureuse anxiété, je vis entrer dans ma prison, une fille de 24 ans environ, chargée du panier dans lequel Soniska m'apportait ordinairement ma nourriture. Je fis une exclamation de joie à la vue de cette fille, car sa ligure peignait la bonté, et elle parut si vivement attendrie en me regardant, les paroles qu'elle m'adressa étaient si pleines de douceur et d'intérêt, que je fondis en larmes. Privée jusqu'alors, au fond d'un sombre cachot, de toute consolation humaine, j'avais enduré tous les genres de misère et de souffrance, sans avoir entendu sortir une fois de la bouche de ma geôlière, un mot qui exprima la pitié. Qu'on juge de ma joie, de ma profonde émotion, quand je vis la jeune fille compatissante se pencher vers moi, me serrer affectueusement les mains, et que je l'entendis me dire « Ne pleurez plus, madame, Dieu vous secourra. Il a donc enfin compassion de mes maux, m'écriai-je, puisqu'il vous envoie pour me consoler. Dites-moi qui vous êtes, où est Soniska, venez-vous ici par son ordre ?»« Oui, me répondit-elle. Soniska est ma tante, je demeure avec elle, ainsi que mon frère, qui est guichetier dans la maison. Depuis hier ma pauvre tante est bien malade, ne pouvant venir, elle m'a envoyé. Saviez-vous que j'étais ici ? Oui, mais je n'y pouvais rien alors, on ne me permettait pas de venir, et bien souvent j'étais triste en pensant à vous. Ah, je n'ai pas un cœur fait pour une prison, toujours voir des gens malheureux, et puis vous, c'était bien pis encore, je vous plaignais plus que les autres. Bonne fille, comment, en effet, pouvez-vous habiter ce lieu de désolation? Que voulez-vous, mon oncle est concierge de la prison de Boris, mon frère et moi nous étions de pauvres orphelins, il nous a fallu accepter l'asile qu'on voulait bien nous donner. Mais adieu, madame, adieu, je ne puis rester plus longtemps. Ce soir, quand mon oncle sera couché, je reviendrai, il faut que je vous parle. Et quoi, déjà vous me quittez, ah, restez encore un moment. Cela est impossible, on ne me laisserait plus venir, et tout serait perdu. Prenez courage, à ce soir. Quand elle se fut éloignée, une vague espérance se glissa dans mon cœur, Soniska malade, cette fille qui paraissait prendre un si tendre intérêt à mon sort, la promesse qu'elle m'avait faite de revenir, le mystère qu'elle devait mettre à sa visite, tout me fit croire qu'elle voulait tenter ma délivrance. Cette pensée me jeta dans une agitation impossible à décrire, et je comptais les heures avec anxiété jusqu'à son retour. L'excellente fille fut exacte au rendez-vous, car la soirée était peu avancée lorsqu'elle arriva. Après diverses questions que je lui adressai, et auxquelles elle répondit avec ingénuité, je me convainquis que l'autorité russe n'était nullement complice des rigueurs que l'on exerçait sur moi, le vol que m'avait fait Soniska, à l'instigation de son mari, était la seule raison qui les eût portés à me retenir prisonnière. Mon Dieu, me dit la bonne et simple créature à laquelle mes questions s'adressaient, je les avais bien prévenus, qu'ils allaient se mettre dans l'embarras, quand on fait le mal, c'est toujours ce qui arrive. Maintenant voilà ma tante qui va mourir, désespérée de sa mauvaise action, sans pouvoir entièrement la réparer. Ah! Madame, ne haïssez pas la pauvre femme, quoiqu'elle ait causé tous vos maux, je vous assure que votre patience et votre douceur l'avaient bien attachée à vous. Quand elle vous voyait prier, cela lui allait droit à l'âme, et le repentir y entrait toujours plus avant. Maintenant qu'elle a peur des jugements de Dieu, elle voudrait bien vous voir sortir d'ici, parce que mon oncle n'est pas bon, mais elle craint que vous n'alliez vous plaindre à monsieur le gouverneur, sans quoi, comme vous n'êtes pas porté sur le contrôle des prisonniers, elle vous laisserait aller peut-être. Ah, que cette crainte ne l'arrête pas, m'écriai-je tremblant de joie, si Soniska consent à me rendre la liberté, Je m'engage à ne jamais révéler au gouverneur, ni à aucun habitant de la Russie, le vol dont elle s'est rendue coupable, et les mauvais traitements qu'elle m'a fait subir. Dites-lui bien que jamais une chrétienne ne manque à sa promesse, quand même cette promesse serait faite à un ennemi, et que, loin de me souvenir de sa conduite, je prierai le Seigneur pour qu'elle trouve grâce devant lui. À ces mots la jeune fille fondit en larmes, et me dit. Oh, je vous crois, madame, quand on craint Dieu, on ne peut mentir, et l'on sait pardonner. Je vais rapporter vos paroles à ma tante, j'espère la décider. Attendez-moi. Mon oncle dort, il a beaucoup bu ce soir, et nous aurons le temps. Puis, se rasseyant, elle ajouta, bah, je puis maintenant tout vous dire, écoutez, un Français, prisonnier de guerre, est dans cette maison depuis quelque temps, il paraît bien bon, bien respectable. Hier le gouverneur l'a fait appeler, il avait ordre de lui rendre la liberté. On va le reconduire en France dans une bonne voiture, qu'un de nos amis doit fournir. Voilà une belle occasion. Demain, à 4 heures du matin, cette voiture viendra prendre le Français, mon oncle, qui a d'avance signé la sortie, ne sera pas levé alors, et mon frère le remplacera. Comme le jour ne sera pas encore venu, nous pourrons vous faire monter dans la voiture, sans que vous soyez aperçu des sentinelles. Le conducteur lui-même fera semblant de ne pas vous voir, et vous serez libre. Mais le prisonnier, lui dis-je, consentira-t-il aussi à se charger d'une inconnue ? Soyez tranquille, me répondit la nièce de Soniska, j'ai songé à tout, déjà mon frère et moi nous sommes d'accord avec lui. Nous ne lui avons pas avoué tout ce qui en est, parce qu'on doit toujours cacher, autant que possible, les fautes de sa famille, mais nous l'avons intéressé à vous en lui disant que vous êtes une pauvre dame française bien malheureuse, qui désire retourner dans son pays natal, et il a promis de vous emmener. En entendant ces paroles, qui achevaient de me prouver que ma délivrance était possible, je me jetai au cou de ma libératrice. « Dites-moi votre nom, m'écriai-je, pour qu'il se grave à jamais dans ma mémoire. Je m'appelle aussi Soniska, me répondit-elle, et, en faveur de ce que je fais pour vous, ne maudissez pas ce nom, je vous en prie. Ah, je le bénirai, au contraire, jusqu'à mon dernier jour, repris-je, bonne Soniska. Puisse le ciel vous récompenser d'un si noble dévouement pour une infortunée qui vous était inconnue. Tous les chrétiens sont frères, ils doivent tous s'entraider, me répondit-elle, et, s'arrachant de mes bras, elle sortit de mon cachot avec précaution. Dès qu'elle fut partie, je tombai à genoux, et restai pendant quelque temps, comme suffoqué par l'excès de ma joie. Ce fut ensuite par des sanglots que j'exprimai à Dieu tous les sentiments de mon âme, il m'eût été impossible de les traduire autrement. Quand Soniska revint, elle me retrouva dans la même posture. « Tenez, me dit-elle en me faisant avaler un peu de lait, il faut prendre des forces, puis, m'aidant à ôter les vêtements qui me couvraient et qui étaient en lambeaux, elle m'en mit d'autres fort propres, y joignit une pelisse fourrée, et me dit avec un charmant sourire, « Ce sont mes bardes, vous vous souviendrez de moi en les portant, n'est-ce pas ? Bonne Soniska, vous vous dépouillez de tout pour me vêtir, et moi je n'ai rien, rien pour vous témoigner ma reconnaissance. » « Je ne fais que mon devoir, répondit la digne créature. Que ne puis-je avec cela vous rendre tout ce qui vous appartient ? Mais venez à présent, ajouta-t-elle, et, si véritablement vous voulez me montrer que vous êtes contente de moi, ne n'y refusez pas de voir ma pauvre tante, elle veut entendre elle-même son pardon sortir de votre bouche avant de paraître devant Dieu. Venez donc, et soyez bonne pour elle, je vous en conjure. Ah, conduisez-moi. » Lui répondis-je, ce sera de grand cœur que je lui répéterai ce pardon, et que je la remercierai de ce qu'elle fait pour moi en ce moment. Appuyé sur le bras de la bonne Soniska, je sortis alors de ma prison. C'était la première fois que j'en franchissais le seuil depuis que j'y étais entré, et si ma libératrice ne m'eût soutenu, j'aurais difficilement parcouru la sombre voûte, qui me séparait de l'habitation de la malade. La jeune fille m'avait prévenu de parler très bas, afin que son oncle, qui était couché dans une chambre voisine, ne pût nous entendre. Enfin, j'arrivai auprès de la malheureuse femme, et je fus frappé du changement, qui s'était opéré en elle dans un si court espace de temps. Tous les signes de la mort étaient déjà répandus sur ses traits, ses yeux hagards se fixèrent sur les miens avec une douloureuse angoisse. Je m'approchai en frémissant, mais je la vis pleurer, et mes larmes coulèrent aussi. Soniska, lui dis-je à voix basse, tout est pardonné, ne vous affligez plus, chaque jour je prierai Dieu pour vous. Oui, mais ce Dieu que j'ai tant offensé me pardonnera-t-il, lui ? Nous devons l'espérer, vous savez bien que les larmes du repentir ne sont jamais stériles devant sa miséricorde. Recourez aux consolations de notre sainte religion, et la paix entrera dans votre âme, n'en doutez pas. Eh bien, je vous croirai, me répondit-elle, oui, je réparerai autant qu'il me sera possible le mal que j'ai fait. Aujourd'hui mon main prêtre entendra l'aveu de mes fautes, mais avant tout, il faut vous rendre la liberté. Tenez, ajouta-t-elle en me présentant un petit sac, il y a là-dedans quelques roubles, c'est tout ce que je puis vous rendre. J'y ai joint les papiers qui étaient enfermés avec votre or, dont mon mari s'est emparé, et dont il ne veut pas se dessaisir. Hélas, sans cet or maudit, que je lui montrais, il ne m'est pas forcé de vous garder prisonnière. Maintenant, quand il saura que je vous ai ouvert les portes, il se mettra en fureur, mais je ne le crains plus, quand la mort s'avance, qu'est-ce que la colère d'un homme auprès de celle de Dieu? J'hésitais à accepter l'argent qu'elle me présentait, songeant néanmoins à mon dénuement absolu, je souffris que la jeune Soniska le mit dans ma poche. En cet instant, le bruit d'une voiture se fit entendre, et mon cœur tressaillit. La mourante me prit la main, vous avez promis de vous taire sur mon crime devant l'autorité, et de prier pour moi, me dit-elle d'une voix éteinte, je compte sur votre promesse. Elle est sacrée, lui répondis-je, n'ayez aucune inquiétude à ce sujet. La jeune fille alors se jeta à mon cou, et bientôt après me remit entre les mains de son frère, qui venait me chercher. Une obscurité profonde nous environnait, car l'honnête guichetier avait pris la précaution d'écarter les lumières en me conduisant, et je fus placé par lui dans la voiture, sans que personne pût m'apercevoir. D'après les instructions que m'avait données ma libératrice, je me tins blotti au fond de cette voiture, la tête cachée dans ma pelisse, qui était d'une couleur très foncée, et quand mon compagnon de voyage arriva, il ne put juger que j'étais auprès de lui que par le mouvement involontaire de mes membres, qui étaient dans la plus violente agitation. Nous n'échangeâmes pas un seul mot, tant que nous fûmes en vue des sentinelles, mais lorsque nous eûmes franchi la porte de la prison, je me remis sur la banquette, et j'essayai, malgré mon saisissement, d'articuler quelques paroles pour remercier celui qui n'avait pas hésité à rendre un si éminent service à une inconnue. Il me répondit avec toute la grâce, toute la bonté que vous lui connaissez, car vous avez déjà deviné, que ce généreux compagnon de voyage, n'était autre que Monsieur de Granville. Il venait de me sauver d'une affreuse captivité, et j'allais être forcé d'implorer encore son appui pour m'aider à te retrouver, ma Juliette. Si, comme j'osais l'espérer, le ciel t'avait conservé à mon amour, ce n'était pas en Russie qu'il fallait te chercher, car je ne doutais pas que les époux Durval, et surtout la bonne Marianne, ne pussent t'engager à les suivre en France. C'était donc là où tendaient tous mes vœux, mais il fallait qu'un être compatissant m'aide à traverser l'espace immense qui me séparait encore des ce pays, il fallait enfin pouvoir compter sur une générosité, un dévouement que je n'osais attendre d'une personne qui m'était entièrement inconnue, et cette idée me jetait dans une affreuse inquiétude. Quand le jour vint, quand je pus voir la noble figure du baron, je sentis disparaître la plus grande partie de mes craintes. Mon air abattu le toucha sans doute, car, après m'avoir examiné un moment, il me dit avec cet accent de l'âme qu'il peint, si bien toute la sensibilité dont il est doué, pauvre dame, vos mots ont donc dépassé les miens? Ah, parlez, parlez, nous sommes compatriotes, et j'ai trop éprouvé le malheur pour ne pas savoir y compatir. Ces mots provoquèrent toute ma confiance, j'entamai le détail des événements, qui m'avaient décidé à quitter la Russie, mais j'eus à peine parlé de l'incendie de Moscou et nommé ma Juliette, qu'une vive exclamation lui échappa, quoi, vous êtes madame Obinski, s'écria-t-il en saisissant ma main. Sans doute, m'écriai-je à mon tour. D'où savez-vous mon nom? Ma fille, ma Juliette vous serait-elle connue? Dieu a-t-il eu pitié de mes larmes, l'a-t-il sauvée? Oui, me répondit-il, mais, je vous en conjure, modérez votre émotion, ne me faites pas repentir de n'avoir pas été maître de la mienne en vous reconnaissant. J'aurais dû ne pas vous apprendre si brusquement l'existence de cette fille si chère. J'étais, en effet, dans un état qui faisait craindre à Monsieur de Granville, que je ne perdisse connaissance. Mais les pleurs qui me pressaient s'échappèrent enfin, et j'acquis alors l'entière certitude de mon bonheur, j'appris que l'homme généreux qui venait de m'arracher à la captivité, avait été auparavant le sauveur de ma Juliette, que c'était chez lui, dans sa propre maison, que j'allais la retrouver, toujours plus digne de mon amour. Vous dire quelles furent mes impressions en l'écoutant, me serait impossible, il y a des sentiments qu'on ne saurait peindre tels qu'on les éprouve. Monsieur de Granville, presque aussi ému que moi, me fit raconter le reste de mon histoire, et nous avisâmes ensemble aux moyens dont nous pourrions nous servir pour que je ne fusse pas inquiété durant la longue route que nous avions à parcourir. Je ne possédais, en effet, d'autres papiers que ceux dont Soniska m'avait fait la remise, et ces papiers ne pouvant remplacer un passeport, nous ne fûmes pas sans inquiétude à ce sujet. Monsieur de Granville espérait néanmoins que la protection que le gouvernement russe venait de lui accorder d'une manière si imprévue, pourrait au besoin s'étendre jusqu'à moi, mais nulle part on ne prit garde à ma personne. Il suffisait que le colonel exhibât l'ordre de l'empereur qu'on lui avait remis à son départ, pour que tous les obstacles disparussent, et que chacun se montrât empressé de le servir. Cet ordre était pour nous comme un talisman auquel rien ne résistait, et Monsieur de Granville cherchait vainement comment il pouvait être l'objet d'une si merveilleuse protection. En vérité, je crois rêver, me disait-il, naguère plongé dans le plus affreux dénuement, en butte à toutes les rigueurs de la plus dure captivité, n'ayant aucune espérance de revoir ma famille, et redoutant sans cesse l'affreuse Sibérie, je suis tout à coup non seulement délivré de mes chaînes, mais secouru, honoré de tous ces us que dans mon désespoir, je maudissais comme mes ennemis les plus cruels. Véritablement cette délivrance et notre rencontre tiennent du miracle, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Occupés sans cesse de la félicité qui nous attendait ici, nous faisions mille projets pour le moment de notre arrivée, et nos vœux dévoraient l'espace. Enfin nous touchâmes le sol de notre France, de cette terre toujours chérie que je n'avais pas revue depuis 20 ans. Hélas, des soldats étrangers l'avaient envahi, et nos cœurs se serrèrent, je vis des larmes mouiller les paupières de mon noble compagnon de voyage, mais je lui parlais de son Adèle, de sa Lucie, dont il m'avait appris les noms si chers, et bientôt la joie qu'il réveillait dans son âme, effaça cette impression pénible. Je n'essaierai point de vous peindre ce que j'éprouvais en arrivant à la porte de ce château, qui renfermait ma vie, mon bonheur, en un mot tous les genres de félicité que le ciel me réservait. Le souvenir seul en fait encore battre mon cœur, et je ne puis que redire que je suis la plus fortunée des mères. En finissant ces mots, Madame Obinski se jeta dans les bras de sa Juliette, qui était encore baignée des larmes que lui avait fait verser ce récit. La baronne, Lucie et le docteur, qui n'avaient pu l'entendre sans en être aussi profondément touchés, témoignèrent à leur tour à la mère de leur jeune amie toute la part qu'ils prenaient au mot qu'elle avait souffert. Ah, dit Lucie, la peinture de semblable adversité, supportée avec une constance si héroïque, doit assurément inspirer du courage à celle qui, comme moi, se laisse abattre à la moindre épreuve. Désormais, quand je sentirai mon cœur faillir devant quelque peine, je songerai à toutes celles que Madame Obinski a endurées dans son affreux cachot, et je m'efforcerai d'être plus courageuse et plus résignée. Chapitre 13. Quand le bonheur consent à se fixer quelque part ici-bas, c'est toujours loin du fracas du monde et au sein des affections de famille qu'il s'arrête. Après tous les épanchements que devait naturellement ramener l'heureuse réunion du colonel avec sa famille, et de Madame Obinski avec sa Juliette, cette dernière songeait à créer pour sa mère chérie une existence douce et paisible, qui assura entièrement son indépendance. Sans doute la pensée de quitter l'élève qu'elle avait formé, ne pouvait naître dans son cœur, elle aimait trop tendrement Lucie, elle avait d'ailleurs contracté envers Monsieur et Madame de Granville des obligations trop sacrées, pour ne pas chercher à les reconnaître par la continuation de ses soins pour leur enfant. Cependant, après avoir bien réfléchi, il lui sembla possible de concilier tous les devoirs que lui imposait la nature et la reconnaissance, en fixant la demeure de sa mère assez près du château, pour qu'elle pût jouir en même temps du bonheur de la voir continuellement, et d'être à côté de sa fille adoptive. Les propriétés à Berre étaient alors à un prix si modique, que les 12 000 francs que lui avait laissé Monsieur de Bonnier pouvaient fournir, et même au-delà, à l'achat d'une habitation dans le voisinage de ses amis. La pension qu'elle tenait de la munificence de l'empereur Alexandre suffirait aussi à une vie modeste et retirée, telle que pouvait la souhaiter M. Obinski, et lui laisserait encore la possibilité d'exercer son penchant à la bienfaisance. C'était dans le secret de son cœur que Juliette formait ce projet, car elle désirait que son exécution fût une surprise pour ses mères, et jusqu'alors elle n'avait pas osé le communiquer à ses amis, de peur qu'ils ne vissent dans cette résolution une vaine fierté ou une sorte d'ingratitude. Cependant la santé de M. Obinski exigeait un grand calme, dont elle ne pouvait toujours jouir au château, où les visites se multipliaient depuis quelque temps d'une manière fatigante. De longues souffrances morales donnent ordinairement à l'âme le besoin du recueillement, et la mère de Juliette, plus qu'une autre, éprouvait souvent ce besoin impérieux, qui ne se fait jamais mieux sentir que quand on ne peut le satisfaire. De plus en plus pénétrée du bonheur, dont elle jouissait auprès de son enfant, l'excellente mère ne le goûtait jamais, si bien que lorsqu'elle ne pouvait se livrer sans distraction aux épanchements de sa tendresse, et ce n'était pas sans beaucoup d'efforts, qu'elle se prêtait à tout ce qui l'éloignait de l'unique objet de ses pensées. Mais un des premiers fruits d'une bonne éducation, est de nous apprendre à modifier les mouvements intérieurs, qui peuvent causer quelques déplaisirs à ceux qui nous entourent, et à savoir nous sacrifier à leur satisfaction. Ainsi, jamais la baronne, qui aimait à jour, hier de la présence de Madame Obinski, même quand il y avait du monde au château, n'avait pu se douter que l'obligation que son amitié lui imposait fût diamétralement opposée à ses goûts, et que c'était l'astreindre à la plus pénible contrainte. Ce que n'avait pas compris Madame de Granville, Juliette, avec sa tendresse de fille, le devina sans peine, et son désir le plus ardent, fut bientôt d'exécuter le plan qu'elle avait conçu. Il fallait pour cela aborder la question avec le colonel, et ce ne fut qu'en tremblant qu'elle s'y décida. Ainsi qu'elle l'avait craint, le premier effet de sa confidence, fut d'affliger cet ami respectable, mais quand elle lui eut bien expliqué toutes ses raisons, quand elle l'eut convaincu que rien, dans cette nouvelle situation, ne l'empêcherait de se dévouer, comme elle l'avait fait jusqu'alors, à l'éducation de Lucie, il céda à ses désirs et lui promit de la seconder de tout son pouvoir. Peu de temps après, une petite propriété charmante, entourée d'un jardin délicieux, attenant au parc du château, étant venue à vaquer, Monsieur de Granville en fit secrètement l'acquisition au nom de Madame Obinski, et l'on fit venir de la ville la plus voisine tous les objets nécessaires à son ameublement. Juliette, l'heureuse Juliette présida avec une joie indicible à l'arrangement de chaque objet. D'avance elle souriait au bien-être, et au repos dont sa mère allait jouir dans cette paisible retraite, et son cœur payait un nouveau tribut de reconnaissance à l'homme généreux, qu'il avait mis à même d'offrir à cette mère chérie un asile selon ses goûts. Le portrait du vénérable cure, que son pinceau avait su fidèlement reproduire de mémoire, fut placé dans la pièce la plus apparente de la maison, et elle disait en contemplant cette image de son bienfaiteur, « Ah, s'il eût vécu, si j'avais pu lui présenter ma mère, où est le bonheur que le mien eût surpassé ?» Quand tout fut préparé, quand elle fut bien sûre que rien ne manquait à ses dispositions, et qu'elle eut fait comprendre à la baronne la nécessité de ce changement, elle engagea un matin sa mère et Marianne, qu'elle n'avait pas non plus initiée à son secret, à faire avec elle une promenade dans le parc. C'était le lieu de prédilection de Madame Obinski, et l'idée de parcourir ce lieu enchanteur avec sa fille, la décida aisément à céder au désir qu'elle manifestait. Jamais Juliette ne s'était montrée aussi gaie qu'en ce moment. On eût dit que, le voile de l'oubli s'étendant sur tous les maux qu'elle avait souffert, elle était revenue tout à coup au temps le plus heureux de sa première jeunesse, où elle aimait à folâtrer à côté de sa mère, et où chacune de ses sensations était une jouissance. Heureuse de sa joie, Madame Obinski la contemplait dans un doux ravissement, que partageait l'excellente amie qui était à ses côtés. « Mon Dieu, qu'on a bien ici, » dit la bonne mère en jetant autour d'elle des regards où se peignait le bonheur. « Nous y serions encore bien mieux, » reprit gaiement Juliette, « si nous y avons à déjeuner. Mais venez de ce côté, chère maman, je pense qu'il y aura là quelque âme charitable, qui voudra bien nous accueillir. » En même temps elle entra dans une allée fraîchement sablée, au bout de laquelle se trouvait une petite porte. L'ayant ouverte, elle introduisit ses deux compagnes dans un jardin délicieux, où l'air était embaumé des plus doux parfums, et au milieu duquel on apercevait une habitation de peu d'étendue, mais qui semblait annoncer l'aisance et la propreté. De charmants bosquets, de belles pelouses de verdure encadrées de fleurs, un riche potager et un beau verger, donnaient à cette maison l'aspect le plus agréable et le plus riant. Juliette voulut que sa mère et son ami en fissent le tour. Une grille nouvellement peinte, et donnant sur la principale rue du village, fermait le côté opposé à celui par où elles étaient entrées. On voyait auprès de cette grille une petite maisonnette, qui semblait être l'Adem, hors du concierge. Lorsqu'elles approchèrent, un gros chien se mit à aboyer de toutes ses forces, mais presque aussitôt il s'apaisa, et accourut vers Juliette, exprimant sa joie par des bonds, et des caresses qu'elle eut peine à modérer. Marianne reconnut alors le chien de Christine, car elle eut sa part de ses démonstrations joyeuses. « Tu vois, » lui dit Juliette qui s'amusa beaucoup de son air étonné, « tu vois que nous sommes ici en pays de connaissance. » Cette maisonnette est maintenant la demeure de Christine et de la vieille Marguerite. Toute la famille est entrée au service de la nouvelle propriétaire, on leur fait l'abandon de cette petite maison, où ils seront mieux que dans leur cabane en ruine, et d'un très beau champ qui fait partie de cette propriété. En échange, André et sa mère soigneront le jardin où ils trouveront une grande partie de leur subsistance. De cette manière, ils seront désormais à l'abri du besoin, car le travail qu'André aura ici ne l'empêchera pas de continuer celui dont il est chat. RGE accent aigu au château. Madame Obinski, connaissant déjà cette famille, prit, ainsi que Marianne, un vif intérêt à l'heureux changement survenu dans sa position. Bientôt André et Christine s'avancèrent vers elle en habit de fête. « Soyez mille fois la bienvenue, madame, » dit cette dernière à la mère de sa jeune bienfaitrice. « Tous les cœurs ici sont dévoués à Juliette, qui nous a tous sauvés de la misère, et nous serions bien heureux maintenant, si vous vouliez aussi nous aimer un peu. » « Cela ne sera pas difficile, » répondit madame Obinski en regardant la bonne paysanne d'un air attendri, « tous ceux qui aiment ma fille sont bien sûrs d'avoir part à mon affection. » En même temps elle entra dans la maisonnette, où la vieille Marguerite l'attendait dans son grand fauteuil. « Mon Dieu, quel beau jour !» s'écria l'aveugle, « pourquoi mes yeux ne peuvent-ils s'ouvrir, ne fût-ce qu'un moment ?» Puis, saisissant la main que lui tendait la mère de Juliette, « soyez mille fois bénie, vous qui l'avez rendue si bonne, si compatissante, » ajouta-t-elle, « maintenant je mourrai contente, puisqu'elle est heureuse. Allons, bonne Marguerite, » interrompit la jeune fille, « ne pensons pas à mourir, quand Dieu nous fait vivre si joyeux. » Bien des jours comme celui-ci vous sont encore réservés, j'espère. » Puis se tournant vers Christine, « Nous voudrions déjeuner, » lui dit-elle, « mais auparavant je désirerais montrer à ma mère et à notre ami l'intérieur de cette maison. Serait-il possible d'y entrer ?»« Bien de si aisé, » répondit la villageoise en souriant, « André va vous y conduire pendant que je préparerai tout ce qu'il vous faut. Mais, ma fille, si cette maison est habitée, dit madame Obinski, ce serait peut-être une indiscrétion de nous y présenter ? Bah, reprit André, la propriétaire ne l'habite pas encore, d'ailleurs elle est si bonne, si accueillante. En même temps il prit une clé, et, pressé dans la compagnie, il s'avança avec elle vers le joli manoir. En y entrant, Juliette, toujours plus gaie, plus folâtre, s'écria, c'est bien dommage que je ne sois pas une fée, sans quoi je donnerais un coup de baguette, et notre déjeuner viendrait nous trouver ici. » Elle avait à peine prononcé ces mots, qu'une porte s'ouvrit devant elle, et l'on vit au milieu d'une salle à manger charmante, qu'une belle treille ombrageait de son vert feuillage, une table couverte de pâtisseries de toute espèce, de crèmes exquises et de fruits magnifiques, dont la vue seule excitait l'appétit. « Eh, mais, si tu n'es pas une fée, tu as du moins quelques magiciens à ta disposition, » dit la mère fort étonnée. « Je commence à croire qu'il en est ainsi, » répondit Juliette en riant, « car ce banquet champêtre paraît nous être destiné. Cependant je vois, au nombre des couverts, que d'autres convives doivent y assister avec nous, et mon aimable magicien devrait bien les engager à venir sans retard. » Au même instant la porte s'ouvrit, et la famille de Granville vint embrasser madame Obinski, qui, jusque-là un peu inquiète de l'assurance que montrait Juliette dans une maison étrangère, fut enchantée d'y trouver ses excellents amis, et les remercia de s'être liguée avec sa fille pour lui faire une surprise agréable. On déjeuna gaiement, servi par André et ses mères, qui montraient autant de zèle que d'intelligence. Après le repas on passa dans un petit salon meublé avec goût, et qui offrait une vue délicieuse. « Quelle charmante retraite !» s'écria madame Obinski, ignorant encore que cette demeure lui fût destinée. Comme la vie doit s'écouler ici douce et paisible, on y respire un calme qui repose l'âme agréablement. Je trouve cependant ce lieu un peu solitaire, dit à son tour la baronne. C'est précisément ce qui lui donne le plus de charme à mes yeux, reprit la mère de Juliette. Si l'on pouvait vivre ici au sein de toutes ses affections, ce serait, selon moi, un véritable Élysée. Si cette Élysée vous appartenait, vous permettriez sans doute que vos amis vinssent quelquefois apprendre de vous à vivre heureux dans une telle solitude? Vous n'en sauriez douter, car je ne comprends le bonheur qu'au milieu de ceux que j'aime. Eh bien, chère maman, dit alors Juliette, engagez donc ceux que vous aimez à venir chaque jour embellir par leur présence cette retraite qui vous plaît. Que dis-tu, ma fille, je ne te comprends pas. Je dis, reprit l'heureux enfant, que cette petite maison est à vous, que ses amis si tendres ont daigné se prêter au désir que j'avais de l'acheter et de vous y voir établi avec ma bien-aimée Marianne, qu'enfin, s'oubliant eux-mêmes, ils permettent que ma Lucie vienne habiter avec nous cette maison, tant que mes soins lui seront utiles. À ces mots, les yeux de madame Obinski se remplirent de larmes. Elle tendit la main à sa fille, puis regardant monsieur et madame de Granville avec la plus vive sensibilité, « En vérité, leur dit-elle, je suis accablée sous le poids de mon bonheur. Oh mes bons, mes excellents amis, comment vous témoigner toute ma reconnaissance ? Ce sentiment, lui répondit le baron, est aujourd'hui si bien confondu entre nous, que désormais il serait impossible de dire lequel doit en éprouver la plus grande part. Ainsi, croyez-moi, ma digne amie, ne songeons désormais qu'à nous chérir les uns les autres, sans nous occuper de quel côté est l'obligation. Nous n'avons, du reste, mon Adèle et moi, d'autre mérite dans cette circonstance que d'avoir consenti au désir que montrait notre chère Juliette de fixer ici votre demeure, tandis que nous espérions vous conserver toujours avec elle au château. Mais enfin, si ce nouvel arrangement vous plaît davantage, nous devons voir avant tout votre satisfaction. Cette habitation est d'ailleurs trop voisine de la nôtre, les communications entre nous seront trop faciles, pour que vous ne consentiez pas à alléger notre privation, en accompagnant tous les jours chez nous nos deux filles chéries. De cette manière la séparation nous sera moins sensible. Ah, je n'aurai besoin pour cela que de consulter mon cœur, répondit affectueusement Madame Obinski en tendant la main au colonel. Il l'engagea alors à achever de visiter son petit domaine. Par tous les soins de l'amitié et de la tendresse filiale, s'y faisait remarquer jusque dans les moindres détails, aussi l'heureuse mère ne pouvait se lasser de témoigner sa gratitude et sa vive satisfaction. Marianne, non moins émerveillée, non moins attendrie, exhalait ses sentiments en pressant furtivement la main de Juliette, qu'il avait appelée sa bien-aimée, et qui lui dit tout bas, « Ici c'est ta maison, entends-tu, tout y est à toi comme à nous. Je ne veux plus que tu travailles, désormais tu seras servie comme ma seconde mère. J'accepte ce titre, répondit l'excellente femme, car j'y veux le mérite par ma tendresse, mais, je vous en conjure, souffrez que je vous serve toujours, c'est là ma vie, mon bonheur, à moi, je n'en veux pas d'autre. » Quelques jours après, Madame Obinski, Juliette, Lucie et Marianne vinrent s'installer dans le petit domaine, et dès cet instant on régla si bien l'emploi de chaque heure du jour, qu'il n'y en eut pas une seule qui ne fût remplie par quelque chose d'utile ou d'agréable. La baronne venait assidûment participer aux leçons que recevait sa fille, et trouvait que le temps passait avec une telle rapidité, qu'elle en était devenue presque aussi économe que ses deux amis. Monsieur de Granville, ayant pris sa retraite, se voua dès lors tout entier à l'agriculture. Dirigé par lui, les ressources se multiplièrent au village d'Aubert, et il put espérer enfin de voir s'améliorer le sort de ces bons paysans, qui le regardaient comme un père. Juliette et Lucie contribuèrent, aussi à cette amélioration en continuant de consacrer chaque jour quelques moments à visiter les pauvres. Veillant sans cesse à leurs différents besoins, elle leur donnait des instructions religieuses, et les soins les plus charitables, quand la maladie venait les surprendre. Elle parvint, en outre, à l'aide d'une dépense annuelle, que Monsieur de Granville se réserva, à fonder des écoles, où les enfants des deux sexes étaient gardés et instruits, pendant que leurs parents allaient à leurs travaux journaliers. De cette manière, tout marcha, tout se régularisa dans le village, car la vertu, comme un aimant, attire tout vers elle. On savait que, pour mériter la protection et l'intérêt des deux jeunes amis, il falla y suivre la route qu'elles avaient tracée, et chacun s'y jetait sans peine, heureux de suivre de tels modèles. Oh, comme alors elles sentaient la douceur que l'on goûte à faire le bien! Comme toute leur jouissance était douce et pure. La fin de chaque journée était pour les deux familles le moment le plus précieux, on se retrouvait avec bonheur, on se rendait compte avec une entière confiance de chaque action du jour, on formait pour le lendemain de nouveaux projets où la charité était toujours pour quelque chose, et la vie s'écoulait paisiblement, sans qu'une seule pensée mauvaise, de ces pensées que le monde et ses tristes passions enfantent, vint troubler la douceur de cette harmonie. Souvent le chant mélodieux des deux jeunes filles se faisait entendre, souvent aussi la voix de la baronne se mariait à leurs accents, et ces concerts étaient pour Monsieur de Granville, et pour Madame Obinski un plaisir si délicieux, qu'ils oubliaient tous les maux qu'ils avaient souffert, et se serraient la main comme de bons amis parvenus au port, après avoir essuyé les mêmes orages. Ce fut au milieu de ces plaisirs si purs, que beaucoup de gens ont alors porté sans en savoir jouir, que les habitants du château de Berre apprirent les événements de 1815. On sait que, peu de temps après, les alliés envahirent la France pour la seconde fois, et que la terreur se répandit de nouveau, dans les campagnes comme dans la capitale. Longtemps avant ces événements, Juliette avait annoncé au général de W, qu'elle avait eu le bonheur de retrouver ses mères, et ce noble étranger, qui en était la première cause, avait répondu à ce témoignage de reconnaissance, en offrant de nouveau à sa jeune protégée ses services, s'il pouvait lui être utile. On s'attache d'ordinaire aux heureux qu'on a faits, Et Monsieur de W avait trop de générosité dans les sentiments pour oublier jamais les habitants de Berre. Aussi, quand les troupes alliées rentrèrent sur le territoire français, il envoya au château, qui était peu éloigné des frontières, une nouvelle sauvegarde. De cette manière, les deux familles, qui se réunirent à cette époque sous le même toit, furent préservées de toute espèce d'exaction. Lorsque l'empereur Alexandre fut rentré dans Paris, le général russe, toujours plus zélé pour les intérêts de la mère et de la fille, leur écrivit une lettre pressante pour qu'elles vinssent saluer ce monarque. « Je lui ai parlé de vous, leur disait-il, et il a manifesté aussitôt le désir d'être témoin de votre bonheur. Vous ne pouvez maintenant vous dispenser de lui apporter l'hommage de votre reconnaissance. » Cette lettre excita dans l'âme de Juliette plus de tristesse que de plaisir, car, quels que fussent ses sentiments de gratitude pour l'empereur de Russie, elle ne pouvait songer, sans une sorte de crainte, à s'éloigner de sa charmante retraite, et à paraître au milieu de ce monde, auquel elle était demeurée jusqu'alors presque entièrement étrangère. Une circonstance nouvelle augmentait encore sa répugnance à s'absenter de Berre. Lucie venait d'accomplir sa 18e année, elle était alors la jeune personne, la plus accomplie de la province, tant par son éclatante beauté que par ses talents, le charme de son caractère, et toutes les vertus que sa jeune institutrice avait fait germer dans son âme. Déjà bien des fois sa main avait été recherchée par diverses familles opulentes. Et toujours ses refus avaient éloigné les aspirants. Cependant il venait de s'en présenter un, qui semblait devoir l'emporter sur ses rivaux, car il réunissait tous les suffrages par ses qualités personnelles, la noblesse de son caractère, et le nom distingué qu'il portait. Les convenances de fortune ne laissaient d'ailleurs rien à désirer, par-dessus toutes ces considérations, le comte de C s'engageait à ne jamais séparer Lucie de ses parents, et de l'ami si cher à qui elle devait toutes ses vertus. Cette promesse si importante au bonheur de la petite colonie de Berre, obtint au comte de C la préférence qu'il désirait, et le mariage fut résolu. C'était cette circonstance si intéressante, qui doublait la répugnance de Juliette pour le voyage de Paris. S'éloigner de sa Lucie, de sa sœur bien-aimée, dans un pareil moment, lui semblait un sacrifice pénible, auquel elle eût voulu pouvoir échapper. Lucie, de son côté, à la première nouvelle de ce voyage, avait versé des larmes, mais les amis, réunis en conseil, jugèrent qu'il n'y avait pas moyen de l'éviter. Il fallut donc se résoudre à une séparation que l'on se promit bien d'abréger autant qu'il serait possible. Du reste, le mariage fut ajourné jusqu'au retour de la mère et de la fille, et toutes deux, suivies de Marianne, prirent la route de Paris. Chapitre 14. La modestie est à la vertu, ce qu'un voile est à la beauté, elle en fait ressortir l'éclat. Lord Chesterfield. Les deux jeunes personnes s'étaient promis de s'écrire tous les jours. Elle tint religieusement cette promesse, et nous croyons devoir extraire de cette correspondance, qui peignait leur affection mutuelle, une lettre de la jeune institutrice à son élève. Paris, le 20 juillet 1815. « Vous vous ennuyez loin de moi, chère Lucie, lui disait-elle, là, je suis de moitié, je vous assure, dans tous vos sentiments, il me semble même que la vie agitée, dont cette ville immense m'offre le tableau, redouble encore ma tristesse. Que notre paisible retraite est bien préférable à cette agitation qui vous arrache continuellement à vous-même. Dans nos bois, dans nos champs, nous nous sentons vivre, tandis qu'ici l'existence passe, et se précipite comme l'eau d'un torrent qui échappe au regard. Non, je ne conçois pas que l'on puisse se plaire au milieu de tant de bruits et de sensations diverses. Il est pourtant des gens qui s'y croient heureux. Ces bals, ces spectacles, tous ces plaisirs où ils courent, que peuvent-ils leur offrir, si ce n'est l'ombre de ce qu'ils cherchent? En vérité, on dirait qu'ils ne veulent se repaître que d'illusions, et l'on est forcé de les plaindre, en songeant aux tristes réalités, qui leur apparaîtront quand le prestige aura disparu. Bénissons Dieu de nous avoir fait échapper à ce besoin d'agitation, à ces goûts dangereux qui éloignent du vrai bonheur. Nous sommes encore bien jeunes, sans doute, et les séductions du monde sont souvent bien attrayantes à notre âge. Mais nous avons goûté une félicité trop pure au sein de la retraite, et des affections de famille, pour vouloir la chercher ailleurs. Ô ma Lucie, que de jours heureux nous avons passés dans notre chère solitude, et de quelle douce satisfaction, n'avez-vous pas rempli mon cœur, lorsque je vous ai vu multiplier vos efforts pour arriver à la pratique de toutes les vertus qui aujourd'hui embellissent votre âme. Laissez-moi vous dire que jamais institutrice ne commença une éducation avec plus de crainte, et ne trouva des succès plus faciles et plus réels. L'instinct du bien était en vous, je n'eus qu'à l'y développer. Grâce à la docilité avec laquelle vous vous apprêtez à mes soins, vous possédez aujourd'hui l'instruction et les talents qu'une femme raisonnable peut souhaiter d'acquérir, et vous pourrez les perfectionner encore, si vous continuez de consacrer, chaque jour, quelques heures à l'étude. Vous savez que cette habitude est une source inépuisable de jouissance dans toutes les situations, qu'elle transforme en délice l'isolement et la solitude, qui sont la terreur des esprits futiles. Vos lectures jusqu'ici ont été un utile délassement, parce que nous avons soigneusement évité les ouvrages d'imagination, qui ne sont propres qu'à dégoûter des réalités de la vie, à énerver le cœur et à le nourrir de chimères. Les productions du génie qui présentent une scène morale, sont les seules qui vous plaisent, et celles-là, en effet, ne peuvent que vous entretenir dans l'amour du vrai, et rehausser encore à vos yeux, la sublimité de la vertu. Grâce aussi aux promenades lointaines, et aux travaux champêtres dont nous entremêlions nos études, vous avez trouvé cette santé florissante, si nécessaire à l'exercice de toutes nos facultés intellectuelles, et qui nous fait jouir plus pleinement des biens qui sont à notre portée. Enfin, vous avez étudié à fond vos devoirs de chrétienne, et vous mettez votre félicité à les accomplir. C'est là surtout ce qui fait ma joie, si j'avais échoué auprès de vous sous ce rapport, ma vie entière eût été troublée. Il est cependant un écueil, ma chère Lucie, que je vous ai signalé quelquefois, et contre lequel nous devons toujours nous mettre en garde, cet écueil, c'est la vanité. On dit que dans le monde une foule d'hommes désœuvrés, ou corrompus ne s'occupent qu'à épier ce défaut dans notre sexe pour s'en faire des armes contre lui, et l'on est forcé d'avouer, que beaucoup de femmes ne se prêtent, que trop à les leur fournir. Les unes, n'attachant de prix qu'à leurs avantages extérieurs, et oubliant que rien n'est si court que le règne de la beauté, s'enivrent de l'encens qu'on leur prodigue, et se préparent ainsi sa mère déception, souvent même d'éternels regrets. Les autres, en apparence plus raisonnables, dédaignent de telles louanges, et ne se montrent vite que de l'admiration qui excite leur talent ou leur esprit. Ces deux sortes de vanité me semblent également funestes, car elles exposent aux mêmes attaques, et par conséquent aux mêmes dangers. Je suis, du reste, bien convaincu que vous saurez toujours vous préserver de la première, il ne faut qu'un peu de raison pour la trouver absurde, mais peut-être que la seconde m'effraierait pour vous, si je ne savais combien vous êtes docile aux avis de l'amitié. J'ai remarqué que votre âme expansive et tendre, vous fait souvent un besoin de l'approbation de tout ce qui vous entoure, que vous êtes sensible aux éloges, que vous attachez même un très grand prix à ceux des personnes étrangères. Je ne dis pas que cela ne soit fort naturel, les suffrages que nous obtenons, sont un encouragement à mieux faire encore, mais il ne faut pas que la noble émulation, qu'ils excitent en nous dégénère en vanité, rien n'a si près d'un défaut qu'une qualité, dont on ne sait pas régler l'emploi, et c'est surtout à celle dont nous parlons, qu'il faut savoir mettre de justes bornes. Gardez-vous aussi de chercher à prendre le dé de la conversation dans les cercles où vous serez obligé de paraître. En général, les hommes reprochent à notre sexe de trop parler, et surtout de parler inconsidérément. Sous ce rapport, je crois qu'il en est beaucoup parmi eux qui pourraient s'adresser le même reproche, néanmoins ce n'est pas une raison pour adopter un défaut qui pourrait nous rendre ridicules aux yeux des personnes sensées. Savoir parler et se taire à propos, c'est savoir faire un bon usage de l'intelligence que le ciel nous a départie, mais parler pour briller, parler pour occuper de soi, c'est dépenser en futilité ruineuse, les trésors de cette même intelligence, c'est s'exposer à tous les dangers qu'entraîne la vanité. Dans l'intérieur de la famille, au contraire, quand nous ne sommes entourés que d'amis, nous pouvons nous livrer sans crainte à ces douces causeries, où nos pensées s'échappent, pour ainsi dire à notre insu, et dans lesquelles se découvre l'expression de nos sentiments les plus intimes, parce qu'alors nos paroles, loin d'être mal interprétées, ont du charme pour ceux qui nous chérissent. C'est aussi au milieu d'eux que nous devons faire valoir tous les talents que nous avons acquis, s'ils peuvent contribuer à leur offrir quelques distractions agréables. Là seulement nous jouissons avec une entière sécurité des suffrages qu'ils obtiennent, quand c'est l'amitié qui loue, la vanité se tait, et le cœur seul reçoit la louange. La femme, ma Lucie, a une grande tâche en ce monde, il faut que, s'oubliant elle-même, elle consacre au bonheur de ceux qui l'entourent toutes les facultés, tous les moyens dont la nature l'a douée, sans quoi sa mission sur la terre n'est qu'imparfaitement remplie. Ce bonheur dont je parle, vous l'avez donné jusqu'ici à votre famille, désormais vous en devrez une large part à l'époux qui vous est destinée, ou plutôt il faudra vous consacrer exclusivement à le rendre heureux, et à multiplier autour de lui les jouissances, si vous voulez qu'il bénisse ses liens. Beaucoup de jeunes filles inconsidérées pensent avoir tout fait, lorsqu'elles ont consenti à changer de nom, et ne se doutent pas à quoi les engage cette communauté d'existence qu'elles acceptent. Le mariage, cependant, me semble un état grave, où l'on ne saurait apporter trop de réflexion. Se reposer sur sa jeunesse, sur ses agréments extérieurs, pour y trouver une félicité durable, est une grande erreur. J'ai toujours entendu dire à ma mère que c'est uniquement, par les qualités de l'âme qu'une femme, peut captiver l'affection et l'estime de son mari. Vous obtiendrez du vôtre ces sentiments, car vous possédez tout ce qu'il faut pour les faire naître, et il vous suffira, pour les conserver, de suivre les inspirations que Dieu mettra dans votre cœur. Mais adieu, ma bien chère Lucie, tout occupée de vous, j'oubliais que c'est demain que, ma mère et moi, nous serons présentés à l'empereur Alexandre, et que notre zélé protecteur, va venir pour nous annoncer l'heure désignée par le prince. Si vous saviez comme je suis ému en songeant à cette foule de courtisans, qu'il nous faudra traverser pour arriver jusqu'à lui. Il me semble que la première fois j'ai eu plus de courage, c'est qu'alors j'étais animé par une pensée qui absorbait toutes les autres. Aujourd'hui que je n'ai plus le même motif, toute ma timidité est revenue. Mais enfin il faut m'obéir, et puis, quand j'aurai rempli ce devoir, ne suis-je pas sûr d'aller vous rejoindre? Ah, puissions-nous n'être plus jamais séparés, ma Lucie. Dites à vos bons parents combien leur Juliette sera heureuse de les revoir. Le lendemain que cette lettre fut écrite, Madame Obinski et sa fille furent conduites en effet, par le général russe, devant l'empereur Alexandre, et elles reçurent de ce monarque un accueil si flatteur, si plein de bonté, que Juliette sentit disparaître son trouble. « Je vous retrouve donc heureuse, lui dit le prince en la voyant entrer, mais vous avez acheté le bonheur par bien des peines. Elles sont toutes oubliées, sire, puisque votre majesté m'a rendu ma mère, répondit Juliette. Comment ai-je contribué à vous la rendre ? Demanda Alexandre avec une expression d'intérêt des plus marquées. En brisant les fers de mon bienfaiteur, sire, c'est le baron de Granville qui a retrouvé cette mère chérie, et qui la ramenait dans mes bras. En effet, reprit l'empereur, je me souviens maintenant que monsieur de W, qui vous porte un intérêt tout paternel, m'a rapporté cette circonstance. Puis, se tournant vers Madame Obinski, dont l'extrême maigreur attestait encore les longues souffrances, il voulut apprendre de sa bouche, les événements qui l'avaient séparé de sa fille, et ce qu'il avait retenu en Russie après cette séparation. La mère de Juliette, en faisant succinctement ce récit, évita de laisser soupçonner à l'empereur, les horribles traitements que lui avaient fait subir ses criminels gardiens dans la prison de Boris, elle avait promis le secret à Soniska mourante, et ce secret, elle le gardait envers celui qui pouvait punir, en revanche, elle peignit avec une éloquence si vraie, les tourments qu'elle avait endurés loin de sa fille. Elle exprima si bien la joie de l'avoir retrouvée, que l'empereur écouta avec une bienveillance toujours croissante. « Je comprends, madame, lui dit-il ensuite, tout ce que vous avez souffert, et tout le bonheur dont vous devez jouir aujourd'hui, mais ce bonheur, que toutes deux vous méritez si bien, il ne faut pas qu'il soit mêlé d'inquiétude. Monsieur de W ne m'a-t-il pas dit, que l'incendie de Moscou vous avait enlevé tout ce que vous possédiez ? Oui, sire, j'ai tout perdu dans ce grand désastre, mais votre majesté m'a sauvé du malheur, en daignant accorder à ma fille, une pension dont elle ne fait usage, que pour fournir à mes besoins. » Ici l'empereur regarda Juliette d'un air satisfait, et dit, « C'est bien, très bien. » Puis, s'adressant de nouveau à Madame Obinski, il ajouta, « Vous ferez, madame, un état approximatif de vos pertes à Moscou. Les habitants de cette malheureuse ville, qui ont le plus souffert, ont déjà reçu des indemnités, je veux que vous en receviez aussi. Votre mari était d'ailleurs l'un de nos savants les plus distingués, je dois réparer les malheurs qui ont frappé sa veuve et sa fille, en leur assurant une existence indépendante. » À ces mots, Juliette et sa mère voulurent exprimer leur reconnaissance. « Ne me remerciez pas, reprit le monarque avec cette grâce charmante, qui donne tant de prix à ces témoignages de bonté, ne me remerciez pas, vous voyez bien que dans ceci c'est moi qui suis le plus heureux. » Puis, les saluant affectueusement, il passa dans une autre pièce où l'attendait la foule. Madame Obinski et Juliette s'éloignèrent alors, le cœur plein d'une si vive émotion, qu'elles fondirent en larmes en montant dans la voiture de monsieur de W, qui ne les avait pas quittées. « C'est à vous, monsieur, lui dit Madame Obinski, que nous devons tous les bienfaits, dont nous comble sa majesté, rien ne pourra jamais acquitter des soins si généreux. » Détrompez-vous, madame, répondit le brave militaire, vous ne devez les bienfaits de notre souverain qu'à sa justice, et au vif intérêt que celui inspirait mademoiselle votre fille, lorsqu'elle parut devant lui pour la première fois. Mais vous seul, monsieur, interrompit Juliette, aviez provoqué en ma faveur cette généreuse disposition. Sans vous, mon bienfaiteur n'eût peut-être jamais revu sa patrie, et je n'aurais pas retrouvé ma mère. Eh bien, reprit alors monsieur de W, puisque vous voulez me tenir compte du peu que j'ai fait, promettez-moi de me traiter désormais comme un ami, qui vous sera toujours dévoué, et prouvez-moi votre affection en ne me parlant plus de reconnaissance. S'occupant ensuite des intérêts, qu'il avait pris à cœur avec tant de zèle, il voulut, en rentrant chez Madame Obinski, que cette dame dressât sous ses yeux, l'état des propriétés qu'elle avait perdues à Moscou, et dont les titres se trouvaient heureusement, parmi les papiers que lui avait rendus Soniska. Cet état montait à une somme de 300 000 francs environ, et fut remis le soir même à l'empereur Alexandre, qui ordonna sur le champ que la moitié de cette somme, fut comptée à la veuve du savant Obinski, comme indemnité de ses pertes, et aussi en paiement des terrains, dont elle faisait l'abandon à la ville de Moscou. Le prince spécifiait, en outre, que Juliette continuerait à jouir de la pension qu'il lui avait précédemment accordée. Un tel bienfait surpassait les espérances que la mère et la fille avaient pu concevoir, et elle rendit à 10 000 actions de grâce pour tous les biens, dont il daignait les combler après tant d'épreuves. L'une et l'autre avaient trop appris, au sein du malheur, à se contenter de peu, pour attacher un grand prix à la fortune qui leur était rendue, mais cette fortune, qui dépassait leur ambition, allait les mettre à même d'étendre les secours, qu'elles aimaient à offrir aux malheureux, et c'était pour toutes deux une nouvelle source de félicité. Peu de jours après, elles prirent congé de l'ami généreux, qui les avait protégées avec tant de zèle. Madame Obinski, en le quittant, le pria de faire remettre de sa part, un fort joli présent au neveu, et à la nièce de Soniska, pour lesquels elle conservait une profonde reconnaissance, et l'obligeant général lui promit d'être désormais leur appui. Enfin nos voyageuses reprirent la route de Berre, où elles étaient attendues avec une vive impatience. En revoyant ses amis, le cœur de Juliette tressaillit de joie, car cette courte absence lui avait fait mieux sentir encore à quel point il lui était cher, et combien elle en était aimée. « Ne nous quittez plus, lui dit la baronne avec une vive effusion de tendresse, vous savez bien que la félicité, dont nous jouissons est votre ouvrage, et que sans vous elle serait incomplète. » Le mariage de Lucie eut lieu dès le lendemain, au milieu d'une nombreuse et brillante assemblée, qui ne pouvait se lasser d'admirer deux jeunes amies. Toutes deux, également belles et vertueuses, étaient profondément émues et firent passer leur émotion dans l'âme de tous les assistants. En quittant l'hôtel, Lucie se jeta dans les bras de ses parents, puis, passant dans ceux de son institutrice, elle lui dit, « Soyez toujours ma sœur, mon amie, mon modèle, et je serai sûre de mon bonheur. » Fin.